écoutez Coé de 17h à 20h sur Énergie, c'est mieux qu'un Monopoly tout pourri. Alors cette journée, pas ouf, hein. T'inquiète, c'est Coé, ça commence maintenant. Le Before. Vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est parti. 17h, 20h sur Énergie. Nous ne sommes pas en vacances, non, ne sommes pas en vacances. Nous sommes là tous les jours avec mercredi, une émission spéciale à ne pas rater. L'émission qui fera peur, l'émission spéciale Halloween. On fera une émission d'abord spéciale Halloween de 17h pour le Before à 18h. Ensuite on descendra en public et dès 19h on casse tout, on change tout. On aura un public, oh, le public osera-t-il descendre avec nous dans le parking? Puisque nous allons transformer notre parking en surface zombie, en surface Evil Dead, selon les générations, en surface de ce que vous voulez. Resident Evil. J'ai une question moi là-dessus. Oui, monsieur du Michel. Coup, moi, que je suis à l'arrière. Oui. Je descends pas avec mais vous. Mais t'inquiète, je trouverai quelque chose non, pour non, que tu descends. Non, je descends pas, moi. Mais non, moi, je descends pas. Mais t'inquiète, je trouverai quelque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Mais t'inquiète. Mais je trouverai quelque chose. Non, pas avec toi. Restez avec nous sur Énergie. Dans un instant, il y aura Vita et Slimane. Vous les entendrez. Il y aura DJ Snake aussi. Vous avez vu, je mixe en live. Je suis un ouf. Il y aura le Prince Karma. C'est énorme. Ouais, je mixe dans le tempo. Faut pas me donner la console, hein. Je peux jouer pendant des heures. Bienvenue tout le monde sur Énergie. Merci d'être là. Donc même pendant les vacances, bon, nous sommes là. Courage à vous si vous êtes en voiture, si vous êtes quelque part sur les routes, si vous nous écoutez à la maison. Bonjour à tous les magasins qui nous écoutent, vous qui nous écouterez demain sur les podcasts, qui nous écouterez en ligne différée. Le principal, c'est que vous restez avec nous. Restez avec nous. N'allez pas écouter les autres. Les autres, c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Mais voilà, je vous le dis, c'est pas bien. C'est pas quali. Voilà, c'est pas bien. C'est mauvais moment. Oui. Voilà, chez nous, c'est bonheur. Voilà, c'est dans ce monde qui va mal avec une histoire d'attentat. En Tunisie, avec ce drame qui a eu lieu il y a quelques jours dans une synagogue aux États-Unis, avec ce monde qui part en couille, venez prendre un peu de bonheur chez nous. Voilà, c'est que voilà. Chez nous, c'est que ça. D'ailleurs, merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Il y a eu un truc hallucinant ce week-end sur notre Facebook officiel. Je vous hallucinant. Je vous disais qu'on avait passé les 2 800 000. On a pris en quelques jours, on a pris 50 000 personnes qui nous suivent c'est en plus. Ouf, ça. Donc le temps que je cligne les yeux, nous allons à la fin de l'émission, nous serons à 2 860 000 personnes. Qui nous suivent sur le Facebook. Alors, quelques remerciements. D'abord, il y a quelques jours, j'avais tweeté, j'avais mis un truc sur des chocolats qu'on nous avait offerts. Oui. Ouais, une auditrice m'avait offert des chocolats et je croyais qu'il y avait deux couches. Oui. Et quand j'ai soulevé le carton, mais oui, il t'amène une boîte de chocolat épaisse comme ça avec des chocolats. Tromperie. Donc, le pâtissier chocolatier s'appelle Gilles Créneau. Alors, vous savez, le gars qui fait des créneaux comme ça, super bien. Et j'ai dit, c'est bien de bien vous garer, mais il faudrait mettre beaucoup de chocolat. Et bien, le gars, il m'a envoyé une boîte de chocolat marquée. Nous comprenons votre frustration après avoir trouvé notre Réos en carton. Pour nous faire pardonner, voilà une boîte à plusieurs étages pour ne pas être en manque. Signé Gilles Créneau. C'est gentil. Hein. Merci pour votre humour. Ça marche, hein, ça une marche. Seule boîte. Ouais, une seule boîte. Oui, ça marche. T'as vu, il faut gueuler, ça marche. Ouais. Je trouve que la nouvelle Porsche Macan a des problèmes de puissance. Oui. Ouais. Ah, il faudrait. Non, je dis ça parce que quelqu'un veut passer un message, c'est le moment. Ouais. Hein, c'est le oui, moment elle n'a qu'un étage. Je voudrais une Porsche en camping-car, s'il comme vous plaît. Les chocolats. Voilà, pour mettre mes enfants en hauteur, je voudrais qu'ils soient au-dessus de moi quand je conduis. Donc, merci pour les chocolats. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? On a plein de surprises. Nous aurons une info qui est arrivée tout à l'heure sur les mails. Ça n'est pas dans les journaux, c'est sur les mails d'Énergie en interne. Mais je passe le message pour tout le monde. La personne qui aurait emprunté le micro dans le studio du fond ainsi que le casque serait priée de le rendre. Merci beaucoup. Juste avant ce week-end, quelqu'un est venu tirer un micro et un casque à Énergie. Là, les mecs sont sur. Hey, là, c'est l'enquête. Là, c'est les experts. Les gars, ils sont plus. Je suis allé voir Gaël et Morgan qui gèrent la direction des programmes. Ils sont habillés en blanc de la tête aux pieds. C'est les experts. Ils sont avec la lampe bleue, les gars, parce que il paraît qu'ils ont trouvé beaucoup de tâches. Bon, ils n'ont pas trouvé le micro. C'est pas ça que je cherche. Mais à la lampe bleue, c'est très étonnant. En parlant de tâches, tout à l'heure, nous aurons dans l'émission le top des accidents scientifiques. Hein, c'était dans le journal le top des accidents sexe pendant une masturbation. Et vous verrez qu'il y a des gens qui font des trucs, mais c'est hallucinant. Hallucinant. On fera ça dans un instant. Nous parlerons d'un fou dangereux qui a une tête de fou dangereux. Nous aurons le zap télé de Miko. Nous parlerons des champions du monde de l'actu dans un instant. Nous aurons peut-être 10 000 euros à vous offrir. C'est tout ce que je vous souhaite. Il y a deux enveloppes à 10 000 aujourd'hui. 7, 10, 12 par SMS. Deux enveloppes à 10 000. Vous voulez les gagner, prendre des sous avant de rentrer à la maison. Envoyez un SMS avec Coé au début du message que vous envoyez au 7, 10, 12. Nous aurons quoi d'autre? Ah oui, puisque les hommes politiques ont dit que le pouvoir d'achat des Français avait augmenté. Oui. Et 80% des Français croient que ça n'augmentera pas. Ils ont raison. Et donc, nous aurons la compile du pouvoir d'achat tout à l'heure. Nous reviendrons sur le match de foot hier. PSG 2 buts, OM 0. Nous aurons notre correspondant Énergie Marseille tout à l'heure. Et nous aurons le top 10 des râteaux. Vous savez, les phrases qu'on se prend le plus gros râteau. Les phrases qu'on envoie à quelqu'un quand on pense qu'on va draguer, puis on se prend un SMS et il fait mal celui-là. Non, je ne vois pas. Eh bah, je ne connais pas. Oh, mais si, t'as vu. Oh, on a tous vu ça. Et puis je reviens sur l'affaire de la députée Obono. Tout le monde en parle. Oui. Ouais. Vous vous souvenez de cette députée à qui j'avais dit faut dire bolos à l'Assemblée nationale? Oui. Mais ça a fait le buzz. Oui, Miko, il y aura un extrait tout à l'heure. Absolument. Dans son zap. Mais tout le monde en parle. Ouais. LCI. Ils ont titré ça va faire du bruit. Apparemment, il y a un lien entre un animateur connu pour ses vannes et ses jeux délirants à la radio et une député qui se revendique anticapitaliste. Et ça continue. Et RMC. Et tout le week-end, défié par Coé, la députée Danielle Obono essaiera de placer Bolos à l'Assemblée nationale. Ah ouais, non, mais partout. Hein. Valeurs actuelles. C'est bien la première fois qu'on parle de moi dans Valeurs actuelles. Bolos à l'Assemblée. La députée Obono accepte le défi de Coé. Je n'ai qu'une chose à dire. J-2, c'est mercredi. Oui. Ouais. Voilà. On va voir. On verra. Mercredi, je serai là. On verra si le challenge est réussi. On va regarder. Bah oui, je n'ai. Alors, avant de présenter l'équipe. Que la personne qui a piqué le micro le rende vite. Se dénonce vite avant qu'on appelle la PJ, la BAM, la BIM, le GPRC, le GIGN, tous ces gens-là, vraiment vite, hein, le RIP, tous ces gens-là. GPS. Voilà. Le RIP. La DSL, le BHV, voilà. Avant qu'on appelle toutes les initiales, venez vite, rendez-le les gars, rendez-le vous, vous n'en ferez rien. Présentation de l'équipe, il a passé son week-end comme un aventurier. Oui, je parle de toi, Bichette. Il a grimpé sur son cheval, il a traversé les grandes plaines du sud américaine. Tout ça, c'est le nouveau jeu vidéo Red Dead, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est son nouveau PS4. Sinon, il a eu son cul vissé sur son canapé tout le week-end. C'est Bichette, bienvenue, mon Bichette. Bonsoir. Alléluia. Comme je vous l'avais annoncé ce week-end, ce nouvel homme, oui, Miko, je parle de toi, a fait sa première lessive seule et ça a marché. Son linge est parfaitement propre. Bravo. Par contre, si vous avez besoin de fringues en 10-12 ans pour vos enfants, c'est ce qu'il faut. Contactez Miko car tout est propre, mais tout est trop petit. Bravo, Miko. Bienvenue. Bonsoir. C'est bien, il a fait sa lessive. Notre productrice adorée, oui, Stouff, c'est toi, a passé un week-end zen. Elle est restée au calme chez elle, a maté des vieux films en pyjama pilou-pilou. Et miracle, elle n'a mangé personne. Ce qui n'est pas bon signe pour toute l'équipe d'énergie. Elle peut bouffer quelqu'un à l'étage d'un moment à l'autre. C'est ma Stouff que vous pouvez applaudir. Bravo, bravo. Il a passé son week-end à Rome. Oui, c'est Jeff, en amoureux, culture et visite du Vatican. Il est heureux, il a trouvé la foi, pas la croyance, hein, un resto spécialisé dans le foie de veau. C'est aussi beau qu'une vision du Christ, c'est Jeff. Et enfin, il a passé son week-end à chercher une idée de déguisement pour Halloween. Et puis, dimanche matin, il a vu sa tête dans le miroir, il s'est dit, c'est bon, je l'ai, c'est Bordas. Tu sais, Bordas, le thème, c'est nain irlandais, hein, cette année. Hein. Tu seras déguisé en le prochain. Merci d'être avec nous. De Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo mueve. Oye, la fiesta dime llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque, de noche me flauco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el estrés, mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami lo quieren. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente marcha, Bogotá va a rumbear y Bogotá va a danzar. No llego todos a Pipura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente marcha, la gente quiere que te rumba, ya la vea, quiero el ritmo sin ley. Hasta Portugal, de España, Brasil, hasta Panamá, Puerto Rico también.

of my energy. I look up and the whole room's spinning. You take my cares away. I get so overcomplicated. People tell me to medicate. Feel my blood running. Swear the sky's falling. I don't know if this shit's fabricated. Time goes by and I can't control my mind. Don't know what else to try, but you tell me every time. Just keep breathing. Ce soir, c'est bien. Amir sera notre invité tout à l'heure. Merci d'être avec nous tous les jours. Merci de votre gentillesse. Merci de suivre toutes nos conneries. Nous avons mis hier en ligne une vidéo sur ma chaîne YouTube. Pardon, une vidéo spéciale Halloween. Oui. Ça dérange personne que je meurs. Une vidéo spéciale Halloween où tout le monde se fait peur. Et on arrive à 100 000 vues en moins de 24 heures. C'est un truc de fou. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est un grand bonheur. Tout à l'heure, qu'est-ce que l'on fera dans quelques minutes? 10 000 euros à vous offrir. C'est le cache-cache. Nous avons tous une enveloppe sur nous. Il y a deux enveloppes à 10 000 euros. Vous êtes chez vous ou vous nous écoutez dans la voiture. Vous voulez jouer 7 10 12 par SMS maintenant. Mettez Coé au début de votre SMS. Vous envoyez au 7 10 12 et on n'en parle plus. Miko parlera le Zap Télévision tout à l'heure. Oui, on parlera de toi entre autres. C'est vrai? Oui. Alors c'est bon. Vrai, ça. Ah ouais, puis j'ai eu un message, il y a plein de messages qui arrivent sur Insta. Il y en a un qui de Adèle qui dit bonjour Coé, est-ce que tu feras gagner des places pour les NMA? Oui, nous allons vous en offrir. Dès qu'il y a le double 8 aujourd'hui, c'est qui stouffe? Black Eyed Peas. C'est Black Eyed Peas. Dès qu'il y a le double 8. Ah, vous savez que je mixe en première partie des Black Eyed Peas le 12? C'est bientôt. Je l'ai dit ou pas? C'est bientôt. Je suis le DJ des Black Eyed Peas le 12 novembre au Zénith. Je le dis, je dis ça, je dis rien. Mais bon, il y aura dès que vous entendez ça sur Énergie, et venez nous voir aussi pendant l'émission que nous ferons le Before des Energy Music Awards le 9. Nous serons en direct de Cannes. Ce sera possible de venir nous voir devant le Palais des Festivals. Avec nous dans l'émission, il y aura entre autres, écoutez bien, ça fait mal, hein. Il y aura Oshi, il y aura Kenji, Amir, Vita, Maître Gims, Jennifer, Aya Nakamura, Big Flo et Oli, Claudio Capeo, VG Dream. Ils seront tous dans l'émission, plus pas mal de surprises. Waouh, la vache. On a un chien. Sans transition, voici le classement des plus beaux accidents. Je ne sais pas si je peux dire les plus beaux. Des accidents les plus dingues survenus pendant une séance de masturbation. Alors écoutez bien, je vais employer que des mots scientifiques. Hein, alors masturbation, mais garçon ou fille? Garçon. Garçon. Ah non, j'ai les deux, pardon. Non, j'ai les deux. J'ai mixte. Okay, d'accord. Fille comme garçon, c'est mixte. C'est mixte. C'est mixte. J'ai les deux, c'est mixte. Un spaghetti dans l'urètre, c'est un jeune Italien de 20 ans. Oh non.

Bifort sur Énergie. On connaît tous ce voisin qui, c'est le hashtag de ce soir. Faites-le cartonner parce qu'on a tous des problèmes de voisinage, qu'on soit en appartement ou en maison. La dernière fois, j'ai vu un reportage à la télé sur un vieux qui mesurait la taille de la haie. Parce que les mecs avaient coupé la haie, ils trouvaient trop courte et ils mesuraient chaque jour centimètre. Oh là là, que ça à faire. Ah, tu regardes le reportage, tu dis qu'est-ce que j'ai pas envie de l'avoir comme voisin. Ah, c'est clair. J'ai pas envie. 0800 70 42 48. Vous pouvez nous en parler aussi, mais voici ce jeu qui est là tous les soirs. Vous pouvez prendre 10 000 euros avant de rentrer chez vous. On a entendu, Jeff. Vous pouvez prendre 10 000 euros avant de rentrer chez vous à la maison. Et comme ça, quand vous franchissez la porte, vous dites, c'est bon, t'as fait quoi? Oh, j'ai gagné 10 000 euros. On va en faire tout un plat. 7, 10, 12 par SMS en mettant Koé au début de votre message. Ça peut... Ça va pas changer votre vie, mais ça peut vous faire un joyeux Noël. Ah, oh, c'est sympa quand même. Il y a pas mal d'enveloppes. Chacun, tout le monde a son enveloppe? Oui. Ouais. Oui. J'appelle quelqu'un qui s'est inscrit. Il s'appelle Sylvain. Sylvain? Oui. Je m'appelle Koé. Comment ça va, Sylvain? Ça va, nickel. Bah, j'espère bien que c'est nickel. Où est-ce que tu habites? Verneuil. À Verneuil, sur Seine? Non, Verneuil, en Charente-Maritime. D'accord, des Verneuil, il y en a partout. B, B, Verneuil. Verneuil. Verneuil. Verneuil, avec, Verneuil un, ouais. Avec un B comme bateau ou avec un V comme Vla du... Avec un Vato. Comme bateau. Comme Vato, d'accord, Vato. Autant pour moi. Attention, mon ami, tu me trouves la bonne personne, écoute-moi bien, chacun son enveloppe. Stouf, oui. Jeff. Bichette, le réalisateur, oui. Bordas ouais. Pour les réseaux sociaux, Miko et moi-même, ouais. Nous avons tous une enveloppe. Trouve la bonne, il y en a deux à 10 000 euros. Une à 1000, une à 200, une à 5, une à 100. Vas-y, tu le trouves la bonne enveloppe. C'est tout ce que Bichette. Je te souhaite. Tu fais quoi dans la vie? Je suis monteur électricien. D'accord. Jamais se fâcher avec un monteur électricien. Jamais, ça sert toujours. Toujours besoin d'un électricien. C'est qui, Bichette? C'est moi? Ouais, Bichette. Ouais. On y va. C'est lui, Bichette. J'ai pas entendu. C'est ton prénom. C'est moi, Bichette? Oui, c'est toi. Oui. Ah, ok, d'accord. Qui quoi cette tête? C'est une tête. Moi, personnellement, ça me fait non, plaisir. Non, on a mis deux enveloppes à 10 000. Ah ouais, bah c'est pas celle-là. C'est pas moi, tu vois. Combien, je suis combien, en combien page commune. C'est 100 euros. 100 euros, ça va. Pas de malheur, Bichette. Ouais, t'as une chérie, t'as une fiancée? Oui, je suis marié. Tu l'invites à dîner pour nous. 100 euros, mon ami. Voilà. Oh, À Verneuil comme bateau. Qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est ça. En plus, elle est picarde. Allez, bah écoute, tu l'embrasses deux fois plus sur moi. J'embrasse aussi les gens d'autres régions, pas que de là où je viens. Attends, bouge pas. Moi j'avais 10 000. Oh non, moi j'avais 10 000. D'habitude c'est toi qui eh a bah oui, mais ils m'ont pas pris moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te fais un gros bisou, Sylvain. Merci. Je t'embrasse fort. Je sens que demain ça va tomber. 7, 10, 12 par SMS. Mettez Koé au début de votre message. Le Zap Télé de Miko dans un instant. Ensuite on parlera du match PSG-Marseille. Et lui viendra peut-être nous voir aussi. Voici Dadju. Respecter quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier, célibataire ou femme mariée. Ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sous ses paupières. Terminé. Elle agit, elle ne parle pas, y'en a pas. Mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord, elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Comment gérer sa vie charismatique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques. Elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Elle va tout assumer. Lyonnais, ah Lyonnais, oh ma Lyonnais.

Bientôt Halloween! Tous à vos déguisements! Jusqu'au 31 octobre, pour un déguisement ou accessoire Halloween acheté, le deuxième est à moins 50%! Oui, oui, moins 50% sur la deuxième panoplie ou accessoire Halloween! La grande récré! Remise sur le moins cher des deux, offre non cumulable. Liste des magasins participants sur lagrande-récré.fr. Chez Peugeot, les moteurs de demain sont disponibles aujourd'hui. Jour après jour, les ingénieurs Peugeot travaillent à améliorer votre expérience de conduite, à développer le design racé des véhicules tout en relevant les défis technologiques de demain. C'est pour cela que tous les véhicules particuliers Peugeot sont homologués avec de nouveaux moteurs Euro 6.2, plus efficients. Concrétisez votre envie de Peugeot neuve grâce à nos offres exceptionnelles. Découvrez tous nos véhicules disponibles immédiatement sur peugeotwebstore.com. Détails sur peugeot.fr. À 18h sur Énergie, l'équipe s'agrandit. Coé passe en mode public. C'est pareil, mais avec toi dedans. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Dans un instant, la compile du pouvoir d'achat. Dans un instant, l'émission en public. Ce soir, celui qui sera notre invité, ça me fait très plaisir, ce sera Kistouf. Amir. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Demain, qui sera là? Angèle. Et la semaine prochaine, notre invité, ce sera MHD qui sera là. Mon ami Akelento. Mercredi, préparez-vous, on va se faire une émission d'Halloween. Oserez-vous être dans notre public? Vous suivrez tout en Facebook Live avec des caméras infrarouges. Ça sera de la radio, de l'image, ça va être magique cette histoire. Oui, Stouff. Et Ahmed Silla passera nous faire un coucou. Oui, la semaine prochaine, il y a Ahmed Silla. J'adore ce garçon en plus, il viendra nous voir. Et je vous ai dit que je mixais le 12 novembre en première partie des Black Eyed Peas. J'ai cru l'entendre, moi. Non, parce que c'est ouf quand même. Voilà, voici le classement. Non mais c'est vrai. Je mixe ta style tout seul, mais on viendra te voir. C'est ouf quand même. On vient de soutenir. C'est ouf quand même, mixer en première partie des Black Eyed Peas. Ah ça c'est ouf. C'est surtout la façon dont ça s'est fait quoi. Bah oui, c'est ça. À l'embrouille complète. Je peux venir? Ouais, bah, ouais, je suis venu. Bah voilà. Voilà. Voici le classement des le top 10 des râteaux que vous mesdames vous nous balancez à nous les hommes. C'est joyeux. J'y vais du plus sympa au moins sympa. Oui. Ouais ouais ouais. Les plus sympas. Premièrement, t'es un mec sympa, je te vois plutôt comme un ami. Ouais. Ah, elle est dure celle-là. Toi, t'es la dernière personne avec qui je sortirai. Oh, elle est dure celle-là. Oh. En fait, je veux te caser avec mon pote. Oh. On peut se revoir en tout bien, tout honneur, bien sûr. Ah, c'est chaud. Terrible. Je t'adore, mais je suis homo. Ça marche pas. Bah pas après. Bah. Ouais, mais c'est avant, c'est pour casser le truc. J'ai des sentiments pour toi, mais je ne veux pas m'engager. Ouais. Quand on n'est pas tous les deux, je ne pense pas à toi. C'est horrible. Terrible celui-là. C'est très dur. Je suis célibataire, mais pas désespéré. Oh, c'est encore pire. Oui, mais non. Et le dernier, c'est quoi ton prénom déjà? Oh non. C'est non, horrible. Ils sont tous horribles. Vous avez quoi? Vous avez déjà tous pris des râteaux? Ah oui. Ouais. Jeff, beaucoup? Oui, beaucoup. Stouff? Oui aussi, oui. Oui, mais toi tu le bouffes celui qui te fait un râteau. Mais... Il n'est plus sur cette planète. Non. Oui, moi aussi. Michette, Miko. Je préfère rouler des pelles. C'est que se prendre un râteau, l'expression, elle vient du cinéma muet. Oui. C'est quand les mecs couraient, ils marchaient sur le râteau. Bam. Ah oui. Ils se prenaient le truc, ils se faisaient mal. Donc se prendre un râteau, c'est en fait quand tu te prends mal, ça vient de ça. Mal. Mais moi aussi, je m'en suis pris entre 12 et là. Là, il n'y a pas longtemps. Et là, est-ce que hier c'était il n'y a pas longtemps? Je m'en suis pris des râteaux, les mecs, tellement j'ai failli devenir paysagiste. Je vous jure. Juste sur Énergie. J'étais à deux doigts. Espace vert, Sébastien Coé à votre service, bonjour. Voici le titre qu'on adore, The Prince Karma. Dans un instant, la compile du pouvoir d'achat et ensuite on descend au moins un, je vous dis la géographie, pour l'émission en public. Merci d'être avec nous. C'est les vacances, mais on est là. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. We'll be right back. bitches. Bitches. Merci d'être avec nous tout le monde. Je rappelle la grosse affaire du jour, le truc le plus terrible que l'on vous a annoncé depuis 17h. Mais qui donc a volé le casque et le micro du studio de production d'Energy? C'est bizarre. L'enquête piétine. La PJ est au point mort. Pour l'instant, je crois qu'ils ont le nom d'un suspect. Oula. C'est vrai? Monsieur Walou. Je leur ai dit, vous tenez quelqu'un, tout à l'heure ils m'ont dit Walou. Monsieur Walou est demandé. Monsieur Walou est demandé, pour l'instant on croit que c'est vous. Hein. Attention, alors le pouvoir d'achat, est-ce que vous y croyez? On change de sujet avant l'émission en public. Le pouvoir d'achat, les ministres l'ont dit, ça y est, il va augmenter pour tous les Français. Pas de chance, ouais. 85% des Français pensent que ce pouvoir d'achat n'augmentera pas et qu'avec toutes les charges, ils ne pourront pas s'acheter plus de choses. Oui, Jeff, mais s'ils l'ont dit, ils l'ont dit. Ouais, évidemment. Ils mentent pas. Ils doivent jouer des petits pourcentages, ça va être imperceptible, ça se sent pas. Ça se sent pas. En même temps, un homme politique qui, avant Noël, te dit, écoutez, le pouvoir d'achat, ça va être... C'est mort. C'est Walou, hein, c'est comme le gars qui a piqué le micro. C'est, hein. Le même mec. C'est le même. Hein. C'est l'homme politique qui te dit ça, il se met une balle dans le pied. Il est obligé de mentir. Voici donc la compile du pouvoir d'achat. Tiens, le titre, quand ton patron te remet ton chèque le premier du mois. Tu penses direct à ton écran 65 pouces 4K Full HD. Alors tu pousses les portes de chez But en chantant. Bordel, quand on rentre sur la piste, c'est venu teaser, claquer du bif. Voilà, tu claques du bif. Mais en arrivant à la caisse, une fois que t'as acheté ton écran, ta carte elle chante. J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. Tu remets le code. C'est le bon code. Paiement refusé. Et oui, comme t'as remis ton chèque à la banque, t'as oublié que t'avais des charges, comme le loyer de l'appart. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Le prélèvement automatique des impôts. Et ça continue encore et encore. La CSG. Et ça continue encore et encore. Le prélèvement pour l'électricité. Et ça continue encore et encore. Le chauffage de l'appart. Ton abonnement internet, la cantine des enfants, la carte des transports. Bref, quand tu regardes ton compte le 2 du mois, tu constates que... C'est vide là. Alors tu regardes la caissière de chez Darty et tu lui chantes la chanson du 2 de chaque mois. Sur Énergie, merci d'être avec nous. L'émission en public démarre dans 3 minutes. Qu'est-ce qu'on écoute, Bichette? VG Dream. VG Dream, j'adore ce titre. J'adore ça. Il sera notre invité aussi. Oui. Lorsqu'on sera à Cannes au Energy Music Award, le Before, c'est le vendredi 9. Venez nous voir. Il y aura des invités pour le show juste après si vous êtes dans le public. Et vos dernières places à gagner pour les Energy Music Award. Faut venir nous voir en live, vous allez halluciner. Casser les manches comme Samuel M.G.D. Casser les manches comme Samuel M.G.D. S'il y a drame, on peut toujours. Jamais Andy, et s'il y a trop si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. J'sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Ramener la coupe à la maison. J'y ai pris goût, vous savez, j'y ai... Ah, il y a un micro qui est... C'est trop fort là-bas, les gars, ouais. Non, c'est là, c'est un micro quelque part, il y a un truc... Ah, ça va mieux. C'est quelqu'un, c'est toi, c'est toi, c'est Bichette, il me faut un coupable. Ta tête sera tranchée, c'est tout, c'est réglé. Mais j'ai rien fait là. C'est réglé, c'est trop tard, hein. C'est... Voilà, c'est comme ça. Mais c'est les mêmes réglages que d'habitude. Écoutez, je n'y peux rien, hein. C'est... Voilà, c'est comme ça. Non, mais... ça a fait du bruit. Hein, Mathieu, c'est la faute à qui? Crie, Mathieu. Ah, il y a dit Bichette. C'est Bichette, merci Mathieu, je te crois toi. Mais pourquoi moi? Son micro, s'il est trop fort, ça récupère partout. Son micro, il a le même réglage que d'habitude. Ouais, mais lui, en fait, il est beaucoup plus sensible que le reste. Oui, mais c'est le même réglage que d'habitude. Et moi aussi. C'est vrai qu'elle est pas le même réglage que d'habitude, t'es un menteur. Je te jure. J'aime ce début d'émission. Ah oui, c'est bien. Commence bien. Là, tous les techniciens de France sont comme des fous. Je suis en train d'essayer de sauver ma tête. Ouais, bah c'est trop tard. Selon la loi de Kim Jong-un, c'est déjà réglé. Donc c'est déjà fait. J'espère que j'aurai cette ambiance pour tous les one man. On va roder à Nantes. Dépêchez-vous parce que c'est quasiment rempli. Ça va très vite. Les 23 et 24 novembre, on joue trois soirs à Nantes. Enfin, attends, deux soirs et une en après-midi. Oui. Ensuite, les 14 et 15 décembre, le one man passe par Rouen au Théâtre de l'Ouest. Et ensuite, 21 et 22 décembre à Lille au Spotlight à partir du 14 janvier à la Comédie de Paris. Je suis très content d'aller là-bas, c'est un théâtre qui est génial, vous allez kiffer. Et ensuite on ira à Toulon, au Sable d'Olonne, à Pfaffenhoffen, c'est dans l'Est. Voilà, et plein de dates qui arrivent la semaine prochaine. Merci Jeff, c'est très bien. Le public est en forme. Ouais. Ça tombe bien parce que moi, oui, tout à l'heure, Amir sera là. Ça dure longtemps. Ouais, c'est... Ouais, on l'aimerait tous. C'est notre rêve à tous. Ouais, à partir du moment maintenant, dès que je vais faire l'amour, je vais mettre ça en fond. Et je voudrais que ça dure longtemps. Mais c'est subliminal. Grave, à peine subliminal. Oui, t'imagines le gars qui se déshabille, commence à venir sur sa chérie. Et je voudrais que ça dure longtemps. Eh bien ouais, t'enchaînes avec Maître Gims. Je me tire. Oh là là. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien pour notre émission spéciale le vendredi 9, puisque c'est dans 15 jours l'Energy Music Award. Oui, le vendredi 9, nous ferons le before des Energy Music Awards. Il y aura plein de gens avec nous dans l'émission. Claudio Capéo, Aya Nakamura, Jennifer, VG Dream, Big Flo et Oli, Vita, Amir, justement, Maître Gims, Oshi, Kenji. On fera une séquence spéciale avec Shawn Mendes et on va faire une émission de radio en live. Vous verrez tout ça sur Facebook Live. Venez nous voir en public, évidemment, à Cannes. Et ensuite, on va filmer l'émission et on va filmer plein de coulisses. Je vais prendre une caméra le soir des Energy Music Awards où j'irai dans les coulisses. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez moi. Ça va être une... Comment on dit quand on... première personne. En point of view. Point de view. Oui, ça c'est dans les... En POV. C'est dans les X. Bah, si ça marche dans les pornos, ça marche dans la vraie vie. Eh bien, vous savez quoi, vous serez collé en POV. Il va filmer comme ça. Vous verrez pas mon zizi, mais vous verrez qui je vais voir. Voilà. Vous verrez toutes les stars. Et on va se faire une émission spéciale qui passera sur Énergie 12 la semaine d'après. Et je pense qu'il va falloir qu'on compile tout ça en 70 minutes. Je sais pas comment ça va. Je sais pas comment on va faire. Ça va être compliqué. Ah, mais en plus, c'est génial parce que on a tous les jours le directeur des programmes d'Énergie 12 tous les jours nous dit: est-ce qu'on peut avoir un conducteur de l'émission? Et donc, tous les jours, je tente de lui expliquer que c'est un peu compliqué de donner un conducteur de ce qui va arriver dans 15 jours. J'ai essayé de trouver des images simples. Je lui dis par exemple: tu sais que quand Mbappé il joue au foot, je peux pas te dire quand il va marquer, s'il va marquer et qu'on est à quelle heure. Donc c'est pas possible, c'est un peu comme nous. Je ne garantis pas de faire des vannes dès le début. Ah ouais. Donc, non, on est en freestyle. Il y aura peut-être des trucs qui vont être fous, il y aura des trucs qui seront dingues, il y aura peut-être Kenji qui va faire des trucs incroyables. Bref, on vous fera la meilleure émission que vous verrez sur Énergie 12 la semaine d'après. J'entends bien, mais est-ce que ça serait possible d'avoir un conducteur? Et maman, dans ta gueule, l'émission. Tu l'avais, le conducteur? C'est exactement ça. Il le fait comme ça, pareil. Bon, j'ai plein de messages que l'on a reçus sur tous les réseaux sociaux. Merci de nous suivre. La vidéo que l'on a mis en ligne hier, spéciale Halloween, vous l'avez vue dans le public ou pas? Je vous aime. Oui. On dirait, on va le refaire, on dirait une secte. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Flipper. Oh la vache. Oui, grand-mère. Eh bien, la vidéo, elle arrive à 100 000 vues en une journée. On a gagné plus de 30 000 personnes. 50 000. Ne le reprends pas. Tu disais là, tu as dit 50 000, maintenant tu dis 30 000. Oui, mais laisse-le faire. C'est qu'on était bien tout à l'heure sans toi. Bon, bref, plus de 30 000 personnes nous ont rejoints sur le Facebook. 50 000. Donc plus de 30 000. Donc plus de 30 000. Depuis 24 heures. Est-ce que vous auriez un conducteur, s'il vous plaît? Je parlais de Kim Jong-un tout à l'heure. Très peu de gens lui coupent la parole comme ça. Hein. Non, parce que lui, il coupe les têtes. Ah oui, mais c'est vrai. Bien sûr, il y a un moment donné, je vais appliquer 2-3 méthodes nord-coréennes qui vont en calmer 2-3. Certes, un peu rigides, mais qui sont efficaces. Des méthodes sans retour. Mais qui ont fait leur preuve. Mais faites très attention. Bon, tout à l'heure, donc Amir sera notre invité. Demain, on aura Angèle, que j'aime beaucoup, cette demoiselle. Semaine prochaine, MHD. Et la semaine prochaine, il y aura Ahmed Silla qui sera notre invité aussi. On fera une petite émission spéciale avec lui. Et mercredi, ne ratez pas l'émission qui va être dingue, une émission spéciale Halloween. Où avec le public, on fera un truc en direct du parking. Je vous en dirai plus demain au fur et à mesure, mais ça va être très très flippant. Je suis même pas sûr, moi, je vais oser descendre. Restez là, je lirai tous vos messages sur les réseaux sociaux. Des gentils, des très gentils. Toujours des petits haters, peut-être. Merci. Et il y aura le devine qui c'est dans un instant. Voici Georges Ezra sur Énergie. Merci d'être là. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. In the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, l'émission en public. Même pendant les vacances, nous sommes là tous les soirs. Écoutez-nous, ça nous fait très plaisir. Nous sommes là alors que beaucoup d'autres radios sont en RTT ou ils ont replié les émetteurs, je sais pas. Donc en tout cas, nous nous sommes là tous les soirs. Il y aura le qui roule dans un instant. Vous êtes une famille. 0870 42 48. Jouez avec nous. Il y a une télé géante à gagner. Nous aurons le devine qui c'est dans un instant. Je vais vous lire quelques-uns de vos messages et nous n'avons toujours pas de nouvelles de qui a volé le micro au sixième étage des glaces. L'affaire. Un micro et un casque. Alors, j'ai envie de dire, qui vole un œuf, vole un bœuf. Oui. Alors, on commence comme ça, on vole un micro. C'est quoi demain? On rentrera dans le studio, la moquette sera arrachée. On reviendra un jour, on voudra poser nos feuilles. Il n'y aura plus de table. Non, on volera l'animateur. Et un jour, on dira, est-ce que quelqu'un peut rendre l'émetteur de la Tour Eiffel? On n'entend plus rien. Mais oui, parce que le gars, si on ne l'arrête pas tout de suite. Mais bien sûr. Rien ne va l'arrêter. C'est un engrenage. Ah voilà, il faut stopper ça immédiatement. Bon, j'ai plein de messages, je vous les lis. Allez, message de Pierre. Salut Coé, comme d'habitude, je t'écoute dans mon tracteur. Continue, signé Pierrot le paysan. Salut Pierrot. Salut Pierrot. Salut Pierrot. Je t'embrasse mon Pierrot et bon courage parce que vous faites un métier super difficile. Message de Julie, bonjour. Ah, il y avait quelques petites vannes qui sont arrivées, je vous les fais. Oui, ah, vas-y. Je les passerai à rire les chansons, après ils sont à la porte d'à côté. Bonjour, comment voit-on si une femme porte des bas sexy ou des collants de mamie? Si elle porte des collants, quand elle pète, elle aura les chevilles qui enflent. C'est dingue parce que ça marche toujours sur Jeff. Je te donne à rire les chansons. Ça fait rire, Jeff. Message de Kevdes, j'ai une autre vanne. C'est quoi un truc vert qui pousse au fond du jardin? Un extraterrestre constipé. Elle est marrante. Bonjour Coé, voilà ma blague. Un gars dit à un autre, dis donc, t'es con, toi t'es vraiment con, c'est pas possible, comme t'es con, jamais vu un con pareil, c'est simple, il ferait un concours de con, tu finirais deuxième. Là, tu dis, mais pourquoi deuxième? Parce que t'es trop con pour finir premier. Et les chansons? Voilà, je vous rigole bien dans ma voiture, les amis, surtout lorsque je vous entends dire 5 SOS, nous dit Olivier. 5 Sauce. Le groupe est australien de langue anglaise. Et en anglais, on ne fait jamais la liaison sur les abréviations. C'est un truc typiquement français de dire 5 Sauce égale 5 SOS. C'est comme, voilà, on ne dit pas 5 Sauce, on ne fait pas la liaison. Il vient de te dire l'inverse. Eh, j'ai pas compris ce qu'il a dit. C'est ouf. La mauvaise foi. Il vient de nous lire un truc, il l'a pas compris. Si, mais je l'ai tourné à ma. Oh, t'as fait un voilà. Escroc. C'est ouf. Message de Billy Lapa. Demain, je retourne dans le public de Seco. Et je le répète, c'est non seulement la meilleure émission, non seulement la meilleure radio. Il est là, Billy Lapa? Il a raté le coup, je crois. Si c'est demain. Ah, c'est demain. Ouais, c'est demain. De Star Quest officiel. Alors, puisqu'on peut maintenant lancer des défis aux députés, moi j'ai un challenge pour Obono. Pas chiche d'empêcher Mélenchon d'entrer dans l'hémicycle et de se confronter à ces, entre guillemets, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer dans mon local. Oh, il est moins drôle que le mien. Hein. Alors justement, j'ai mon haters sur l'affaire de la députée. Je rappelle qu'il lui reste 2 jours pour faire le Coé Challenge à l'Assemblée pour dire bolos. Qu'elle a accepté de relever. Ah, bien sûr. Hein. Alors il y a un qui s'appelle La Prince qui dit, alors je vous le lis tel quel. Oui. Je prends une voix, la voix du haters, un peu racaille parce qu'il commence par wesh. Ah oui, tu peux. Aïe. Wesh Coé, tu crois que l'Assemblée nationale c'est un jeu? Eh ben vas-y, entre Laetitia Avia et sa glottophobie, la députée Obono, vous nous prenez pour de la merde. Vos grands-mères, les chèvres, vous puez tous la merde, bande de sales chiens. Voilà, les choses sont claires. Voilà, alors on a commencé sobre, mais vos grands-mères, les chèvres. Alors, moi je veux bien qu'on insulte, qu'on nous, qu'il y ait des tarbats qui se baladent, qu'il y ait des connards, mais vos grands-mères, les chèvres, enfin les amis. Pourquoi elles n'ont rien fait? Moi j'ai mon arbre généalogique, je l'ai regardé, ma grand-mère n'était pas une chèvre. Non, non. Alors je garantis rien sur mon arrière-grand-mère, mais ma grand-mère n'en était pas une. Ah, il a le seum lui. Hein. Ah, il a le seum. Hein. On embrasse ta grand-mère, normal. Normal. Voilà, bon, il y en a encore plein, je peux pas tout lire. Il y en a qui disent j'adore votre vidéo où vous faites Halloween, petite vidéo Bordas quoi, je comprends rien du tout. C'est bien choisi. Voilà, j'ai rien compris. Voilà, ça c'est fait. Écoutez, j'essaie de retranscrire pêle-mêle ce qui arrive, c'est pas facile. Le devine qui c'est dans un instant, le qui roule, jouez avec nous et gagnez peut-être une télé géante. Comme l'a dit notre responsable de l'antenne, il a mis dans la liste du jeu, il a dit une télé LED, entre parenthèses, mais belle quand même. 0870 42 48, à tout de suite. Gagnez vos invitations aux côtés des stars pour les Energy Music Awards. Mr. Black Eyed Peas on NRJ. Écoutez Energy toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Energy avec deux types de Black Eyed Peas à la suite. Appelez NRJ.

n'oubliez pas, tout à l'heure, Amir sera notre invité. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. J'adore ce que fait Amir, et en plus c'est un très gentil garçon. Et puis la chanson qu'on chantera tous quand on fera l'amour à notre chérie en la regardant dans les yeux. Et je voudrais que ça dure longtemps. C'est juste cet extrait en boucle. La semaine prochaine, Ahmed Silla sera avec nous, MHD aussi. Et puis on aura plein de surprises. Mercredi, émission spéciale Halloween. Est-ce que toute l'équipe va bien? Oui, très bien. Vous êtes en forme? Tout à l'heure, on jouera avec le public. Oh là là, c'est pas de chance. Vous pensez venir tranquille. Et maintenant, vous allez jouer avec nous. On est numéro 1 TT France, numéro 1 des tendances sur Twitter. Merci à vous. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo, les amis. Je suis très content. Monsieur Bordas. Oui. Allez-y, quelques petits hashtags. C'est quoi le hashtag déjà? C'est on connaît tous ce voisin qui. Alors on y va. On a Mike qui nous dit on connaît tous ce voisin qui font des travaux bruyants le week-end dès 7h du matin. Ce voisin qui font. Bah j'ai lu le tweet comme il est. Ah oui, mais tu peux le corriger aussi. Hein. Ce voisin qui font. Qui fait des travaux bruyants. Merci. Un qui font. Monstre spécial. J'ai repris le tweet comme tel quel. Tel mêle. Excusez-moi, ce mec a un Google traduction dans sa tête. Hein. Vous savez, il traduit en plusieurs langues. On continue. On a Lily qui nous dit on connaît tous ce voisin qui vient sans arrêt pour que tu le dépannes parce que lui, il lui manque toujours un truc. Ah, moi, j'ai jamais ça, moi. Non, moi non plus. Non, plus. Le sel, tout ça. Le voisin casse-couille, moi, j'ai jamais eu. Le voisin qui fait des travaux, oui. Oui, ça, oui. Mais le voisin, non, j'ai pas eu ça. Bah, très bien. On continue. On a Hugo, un classique. Je sais que c'est très bien, hein. C'est pas la peine. Mais... on merci a un classique Hugo qui nous dit on connaît tous ce voisin qui te pique ta place de parking. Ah. Non, ça non plus. Non, c'est tu le défonces. Non, pour cause de mort imminente, il est vite. Ouais. Il est vite, sinon jugulaire. On continue. Il y a Michael qui nous dit on connaît tous ce voisin qui laisse traîner le sac poubelle sur le palier. Ah, je déteste ça. Ah ouais, ça fait clodo. Alors moi, j'ai pas ça dans mon immeuble. Je le fais tout le temps. Mais ah non, mais c'est honteux. Mais mec, ça, tu fais ça. C'est une infection. Mais en fait, je le laisse sur le palier. Mais c'est crado, c'est une infection. Non, c'est un non-respect pour mais les autres. Ça pue pas, ça pue pas. Manque de respect. Les poubelles, ça pue pas. Tu jettes de la rose, toi? Non, j'ai des ordures propres. J'ai des ordures propres. Je les lave. Je fais des caca en or. Non, mais ça, c'est un manque de respect. Mais en fait, je le mets sur le palier et en fait, dès que je vais sortir de chez moi, je. Bah oui, mais si tu. Bah garde-le à l'intérieur, ton sac. Manque de respect. On continue. Total. On a Mayama qui nous dit on connaît tous ce voisin qui fait faire les besoins de son chien sur la pelouse de ta propriété, en fait. De la copropriété, tu voulais dire. Oui. Bah, c'est pareil. Non, mais tu sais, il a une particularité. Il recueille les tweets, mais il les comprend pas. Hein. Là, lui demandez pas trop. Pas hein. Ils sont le plus retweetés. On connaît tous ce voisin qui font. Là, à partir de ça, t'as tout compris. Hein. Laura qui habite Toulouse, ça va, ma belle? Salut l'équipe, salut Koé, salut Laura. Salut ma chérie, bonjour, hein, bienvenue chez nous. Laura, vas-y, raconte-moi un petit peu. T'as un voisin chelou, raconte-moi. J'ai une voisine super conne. Ah oui, non, mais elle a raison, c'est dit. C'est direct. Pourquoi? Super conne, super jalouse parce que ben, je faisais la tondeuse tranquillement chez moi en maillot de bain et en short. Et elle m'a vue et elle m'a carrément agressée en me disant qu'il fallait que je me rhabille et que j'étais à poil parce que son mec, sinon, il allait me mater. Ah, ouais, bah alors après Laura, ça dépend comment tu es en maillot de bain. Nous, on n'a pas vu, mais. Ah, mais j'étais en short, un mini short, il faisait super chaud et je passais la tondeuse avec le soutif. Oh là, ouais. Un maillot de bain, mais soutif. Oui, mais est-ce que tu as. Non, mais je vois ce que je veux dire. Il y a maillot de bain et maillot de bain. Il y a le maillot de bain, le Lormanodou. Bon, qui te donne envie de nager, c'est tout. Et t'as celui qui a moins de tissu et si t'as des jolies formes, les voisins y matent. Ah ben, j'y peux rien si je suis plus bonne qu'elle. Ah bah, je crois que tu as la réponse. Que tu as la réponse, ça s'appelle jalousie. C'est ça. Ça existe vraiment, ça? Quoi? Les voisines qui passent la tondeuse en maillot de bain. Je vais te dire un truc, je n'en ai jamais rencontré. Bon, moi, je croyais que c'était comme le Dahu, je croyais que c'était une légende urbaine. Pour moi, je croyais que la voisine jolie, elle n'existe pas. Je crois que je n'en ai jamais vu. Non, non, moi, surtout. Au ralenti. Non, non, parce que nous on imagine une Pamela Anderson qui tond la pelouse en ralenti. Ben oui. Voilà, mais dans la vraie vie, je crois que ça n'existe pas. À part à Toulouse. Voilà, il y a Laura, sinon c'est plutôt Raymond, 62 ans, qui tond la pelouse. C'est ça. Et un dimanche à 8h, histoire de 24 avec couilles. Je te fais un bisou, Laura, je t'embrasse fort. Moi aussi, bisous. Bisous, ma belle, à bientôt. Bon, j'ai le temps de faire quoi? Devine qui c'est? Ah oui. J'ai le temps, la famille, elle attend pour le kiki roule, ils peuvent attendre 3 minutes? Allez, dans un instant, on fera le kiki roule. J'ai du Marcel ou de la Raymonde ou de la Thérèse. Oh, de la Thérèse. Thérèse, c'est bien, ouais. Thérèse, allez, on fait. C'est une valeur sûre. De devine qui c'est, Thérèse. Je vous rappelle le principe, on appelle une personne d'un certain âge, puisque Thérèse, on est. Pas de blague, hein. Assez rarement stripteaseuse quand on s'appelle Thérèse. Oui, pas de blague. Voilà. Et donc, je lui dis devine qui c'est, et elle peut nous prendre pour quelqu'un d'autre. Ah, n'appelle pas tout le monde en même temps, parce que là, regarde, Thérèse, elle va décrocher. Ah, tiens, bon. C'est pas question pour moi. Allô ? Allô, c'est Thérèse ? Allô, Thérèse ? Oui. Ah, bonjour Thérèse, devine qui c'est ? Ben, je ne sais pas. Ah, ben, devine qui c'est qui appelle pour dire bonjour ? Hein ? Si vous ne me dites pas votre nom, ben, ben oui. Ben oui, mais c'est le but, Thérèse, c'est que tu devines qui c'est qui appelle pour dire bonjour, c'est la famille. Mais j'en sais rien. Ben oui, mais ça t'a pas cherché. Thérèse. Il y a aussi ma belle-sœur qui s'appelait Thérèse. Oui, ah bah c'est pas la belle, non, bah je sais bien que ta belle-sœur elle s'appelle Thérèse. C'est toi que j'appelle. Bon, ben c'est, oui. Alors, c'est la famille. Qui ça peut être qui t'appelle ? Mais je n'en sais rien. Mais réfléchis enfin, tu donnes pas de nom. Tu proposes pas de nom ? Ben non, je ne sais pas. Ben, tu n'as pas envie de chercher, tu n'aimes pas ta famille. Parce que ta famille t'aime. Et on voulait te le dire. Oui, on t'aime, Thérèse. Tu y vas, on est avec moi. Oui, on t'aime, Thérèse. Everybody! Oui, on t'aime, Thérèse. Oui, on t'aime, Thérèse. Vous faites pas chier, elle a raccroché. Thérèse. Non, mais non, ah, non. Fallait pas la déranger, elle était en train de manger son téléphone. Bah oui, c'est ça. T'es pas toute seule, en plus, il y avait deux qui la tenaient. Non. Bienvenue sur Énergie. Merci d'être avec nous, j'ai rien dit du tout. Je dis non. Alors, le kiki roule dans un instant avec toute une famille et des gros cadeaux à gagner. On aura une télé géante juste après Calvin Harris. Are you drunk or not? Now they judge what I'm doing. Are you high enough to a skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. So come get your everything tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud enough? My body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing out, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything tonight. Science here, so come get your everything tonight. Tonight. avec Amir qui sera là tout à l'heure. Un petit mot, je l'ai fait sur Twitter, je l'ai pas fait à l'antenne pour la disparition de Philippe Gildas. Ouais, alors oui. Je sais que les plus jeunes, vous savez pas forcément qui est Philippe Gildas, mais tous ceux qui ont, à mon avis, plus de 20 ans, vous voyez qui est Philippe Gildas. Et voilà, donc une pensée pour lui pour deux raisons, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses à la radio et qui était un vrai passionné de radio, comme moi je le suis. C'est-à-dire que voilà, je trouve que la radio est un instrument magique, Internet c'est génial, la télé c'est marrant, mais la radio c'est un truc un peu fou et un peu dingue. Et si j'en fais depuis des années, c'est pas pour rien. Et lui c'était aussi un passionné de radio et c'était quelqu'un qui a fait nulle part ailleurs, qui était, je pense, la dernière grande émission de Canal. Et, oui. Et donc voilà, et donc je pensais à lui. En plus, je le connaissais assez bien et voilà, on l'avait vu il y a pas si longtemps que ça. Et c'était un grand monsieur. Pas par la taille, hein, ça on va être honnête, ouais. mais en tout cas par le talent, par le boulot, etc., et par le nombre de choses qu'il avait accompli. C'était quelqu'un en plus que je trouvais très gentil, donc il nous a quitté ce week-end, 82 ans, une belle vie aussi, hein. Mais voilà, j'ai une pensée pour Philippe Gildas. Dans l'actu aujourd'hui. Bravo Coco. Dans l'actu aujourd'hui, avant qu'on fasse le kiki roule, une info qui me fait beaucoup rire. On en a parlé la semaine dernière, le Canada rendait légal le cannabis. Oui, voilà, récréatif. Donc, ouais. Donc, en gros, pour un effet récréatif. Ce qui ne veut pas dire, donc, pour les plus jeunes, qu'on peut en fumer à la récréation. Non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. T'imagines ? Parce que jusque-là, il existait thérapeutique. Thérapeutique, ouais. C'était le médecin qui vous faisait un mot. Et bien maintenant, c'est récréatif, donc vous pouvez aller en acheter et fumer du cannabis. Et bien, sachez qu'ils sont en rupture de stock. Non, déjà ? Une semaine après la légalisation du cannabis, les boutiques ont été prises d'assaut par les consommateurs et les boutiques devront fermer 3 jours par semaine. Oh. Donc, si vous comprenez bien, il y aura 3 jours pendant lesquels les mecs ont rien. Et pendant 3 jours, sobriété, retour à un esprit. Nickel. Nickel, ça va faire bizarre, hein. Qu'est-ce que je fais là, hein? Mais oui. Non, mais ça va être pire que ça. C'est-à-dire que les mecs, ils vont passer d'ambiance de dingue, et puis d'un seul coup, ils vont entendre cette musique. Hop, alors, sobriété, ils diront mais. Mais c'est de la merde. Mais c'est naze. Mais c'est de la merde. Mais putain, mais pourri ce jeu vidéo. Oh, mais je pue. Oh, j'ai faim. Ça va faire ça, vous verrez, ça va faire ça. Oui, parce que le reggae, évidemment, sans drogue, on se rend compte. De... Alors, oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. C'est une blague, non, c'est une blague. C'est une blague. Oui. Moi, j'aime pas du tout le reggae, mais. Quoi? Ah, c'est pour okay. ça que Bob Marley il fumait, hein, parce que sans il pouvait pas. Ah bah ouais, il supportait pas. Il dit je peux pas chanter ça. Ah, hein, il supportait pas. Il fumait un peu, il disait là maintenant je peux y aller. Oh, no cry. Mais je chante de la merde en fait. C'est ça. Il écoutait les albums, il fait c'est pourri, c'est moi ça. Il faut que je reprenne. Ah, c'est mou. Hein. Ça est pour rire, évidemment. Bien sûr. La famille Ribeiro nous écoute. Ça va la famille? Vous allez bien? Salut Coé. Bonjour, c'est le moment du kiki roule. Nous avons le papa. Qui s'appelle Moro. Moro, qu'est-ce que c'est que ce prénom? Ouais, c'est un prénom portugais. Moro Ribeiro. On dirait un autre joueur de foot. Moro Ribeiro, passe à machin, qui passe à truc. C'est rigolo, Moro. Moro Ribeiro. Il n'y a que des Portugais qui jouent à ce jeu. Alors en fait, oui, la semaine dernière, on a eu une famille de Portugais. On est d'accord, c'est un jeu portugais. Ouais, numéro 1, c'est Portugal. C'est, voilà, on est donc. Depuis qu'on passe le morceau, là, comment il s'appelle? Tordo Bear. Non, Kaiser Panda. Panda. Depuis qu'on met Kaiser Panda où ça dit Portugal, il n'y a que le Portugais qui joue. J'aime beaucoup cette musique. Donc, ça va être sponsorisé. Ben, j'adore le Portugal, donc tant mieux. La maman s'appelle Aurélie. Oui. Ça va, Aurélie, tu es en forme? Oui, ça va, je suis en forme. Et il y a deux, hein, une fille et une fille et un garçon. La fille s'appelle Lysia. Oui. 5 ans et demi, ça va Lysia? Lysia. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Elle a dit bonjour, mais de loin. Ah non, alors là, j'en ai rien à foutre. Je veux un bonjour de près. Alors là, les bonjours de loin, ça ne ça compte pas. Attends, je vais lui parler, moi. Bonjour, ma petite Lysia. Oui. Ça va Lysia? Oui, tout va bien. Ça va pas être pratique pour le jeu. Tu as fait ta commande au Père Noël? Non. Ben pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Parce que... On a pas reçu de catalogue. Pas reçu de catalogue. C'est bizarre, tout le monde l'a eu. Oh, il n'y a pas encore le catalogue. Et oui, le Père Noël envoie son catalogue en théorie à cette période de l'année. Oui. Eh bien, je vais te révéler un secret, ma chérie. Non, coco, écoute bien. Quoi? Ah, ça veut dire quoi? Le catalogue arrivera dans les jours qui viennent. S'il te plaît. Ah, la mère, elle s'est fait dessus, là, Aurélie.

le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami Tiago, Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. C'est Coé sur Énergie. Avec Amir qui sera notre invité dans une demi-heure maintenant. Everyone is getting new strong. Ah oui, is getting new strong, bien sûr. MHT, c'est la semaine prochaine. Mais pour l'instant, nous parlerons dans un instant d'une pénurie de médicaments qui s'annonce dans certains hôpitaux et dans les pharmacies. Donc, on est, c'est vrai, hein, c'est une véritable info. Donc, j'essaierai de prendre des nouvelles. Imaginez, j'ai un certain âge. Ouais. J'en ai besoin. Mais bien sûr, j'ai envie de savoir. Ah, bah attendez, j'ai ma petite boîte avec les jours de la semaine. Bien sûr. Mes petites tirettes où j'en ai, hop, je tire, je mets dans la main, comme ça. J'ai vu. Comme ça, je sais le jour qu'on est. Ah, mais ça, c'est des occupations. Moi, j'ai vu mon oncle faire ça des dimanches soirs. Les vieux, c'est leur occupation du dimanche soir, ils font la semaine. Ah ouais. Alors, je sais plus où j'en suis, j'ai mis lundi, 15h, et ils ont des tirettes, t'as jamais vu ça? Ouais. C'est des boîtes oranges, chaque jour. Et ils tirent la tirette et mettent dans la main, et hop, matin, et midi et soir. Papy, c'est un suppôt, oh, bah j'ai pas grave. Ça ira au même endroit. Les histoires de voisins aujourd'hui, racontez-nous. On est toujours numéro 1 TT France? Toujours. C'est très bien, monsieur Bordas. Vous n'y êtes pour rien, mais c'est très bien. Fabienne. Fabienne de Lyon, je t'écoute, ma Fabienne. Salut Coé. Salut. Comment ça va à Lyon? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez froid? Ah, ça commence à bien cailler là, ouais. C'est froid partout. 34 degrés. Ils annoncent de la neige dans le Massif Central, 50 cm et tout. Et dans l'est de la France, on fait attention, il va peut-être neiger un petit peu. Voilà, c'était mon côté Louis Baudin. On passe à autre chose. Fabienne, donc je t'écoute. Histoire de voisin. Ouais, alors moi j'ai eu le vrai connard, le vrai voisin chieur, c'est le cas de le dire. À l'époque, on était en appartement avec mon mari et j'ai le voisin qui avait un chien et qui se fait le plaisir chaque jour de venir uriner sur notre paillasson pendant 2 mois. Mais qu'est-ce qui s'est... Mais tu lui as dit à un moment donné ou le chien a arrêté de pisser d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ce qui s'est passé, c'est que mon mari, au bout d'un moment, d'aller lui dire d'arrêter et de faire quelque chose, il a pété un câble. Donc pendant une semaine non-stop, après, c'est mon mari qui est allé pisser contre sa porte. Ah, ça, c'est drôle. Voilà. C'est génial. C'est génial. Oh merde. Voilà. Vengeance. Oh mais merde, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et alors, ça s'est arrêté après? Non, il a fait caca après. Alors, le chien ne venait plus, mais après, ils nous ont kikiné pour la moindre chose. Les places de parking, les fleurs sur le balcon. Enfin bon, quand tu commences à te prendre la tête... Après, parce qu'on veut construire, alors... Quand tu commences à te prendre la tête avec un voisin, ça peut aller loin. Ouais. Hein. Oui. C'est vraiment... Après, ça s'arrête plus. Hein. Ah, c'est une vraie galère. Je te fais un gros bisou, Fabienne. Plus personne pisse contre ta porte. Non, là, je suis tranquille. Je suis dans ma maison. Il n'y a plus personne autour. C'est nickel. T'embrasses fort. Miko, toi, t'avais un psychopathe au-dessus de chez toi, non? Absolument. Cette histoire a duré plus de 10 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais. J'ai eu sa peau. C'est vrai? Il est parti, il a craqué, il est parti. J'ai eu sa peau. Ah, j'ai eu sa peau. Et le jour où il est parti, j'ai fait une fête chez moi, mais seul. J'ai mis le son à fond. J'ai fait, yeah! 10 ans, c'est énorme. Ah ouais, 10 ans. Mais même à Coé, à la radio, on avait essayé de régler le problème, il était trop con. Il y a rien trop à faire. Restez avec nous, dans un instant, nous serons de retour. On mène l'enquête, à tout de suite. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits. Toute la journée. Only. À la fois graphiste, commercial et comptable, il sait tout faire et ça envoie du bois. Lui, c'est René. René Tabli, artisan menuisier et son Citroën Jumpy. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Jumpy taille M Business avec navigation connectée 3D est à partir de 189€ par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois, 75 000 km, avec premier loyer de 3 130€, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 octobre, sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Oh,

dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it. I can taste it, the end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it! Pour être en bonne santé, il faut rire au moins 5 minutes par jour. Avec Coé, vous allez vivre jusqu'à 120 ans. Ça va être long, mais c'est ça qui est bon. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Nous sommes là, vous êtes là, tout le monde est là, bonjour. Vous nous écoutez avec l'appli Énergie à travers le monde, même en Belgique, partout où vous ne pouvez pas avoir l'émission, vous nous entendez quand même. Et puis juste aussi un gros bisou à tous ceux qui vont nous écouter demain avec les podcasts. Oui, dès que vous avez raté un bout de l'émission, dès 22h, boum, vous avez tous les podcasts de l'émission, petit bout par petit bout. Est-ce que je vous ai dit, je n'ai pas de souvenir. Attends, ne dis pas. Ah oui, je sais. Vas-tu mixer le 12 octobre, 12 novembre pour les Black Eyed Peas? Non, c'est pas ça. En première partie, ça serait trop fou si c'était ça. Non, c'est pas ça, je l'ai rêvé. Je vais mixer en première partie des Black Eyed Peas. Non, c'est pas possible. C'est exactement ça. Arrête, bien sûr. Ouais. Est-ce que t'as un peu la pression ou pas du tout? Pas du tout. Parce que t'y penses pas? Non. Non, mais avant, on a les Energy Music Awards. On a 2-3 petits trucs qui arrivent avant quand même. 10 000 euros peut-être à gagner demain, 7-10-12 par SMS. Même pendant les vacances, nous sommes là. Mettez Coé au début de votre SMS. Envoyez-nous tout ça. Je ne peux vous offrir 10 000 euros. Arrêtez de me le demander. Je ne peux vous les offrir que si vous êtes inscrit par SMS. Si vous m'appelez avant, si vous me laissez des messages sur Twitter ou ailleurs, ça ne marchera pas. Et puis j'ai mis une petite vidéo sur mon Insta, Coé officiel. Suivez-moi sur Instagram, ce Coé officiel. C'est facile, celui qui a le petit truc bleu. Tous les autres, c'est Pipo, ceux qui vous donnent des iPhones et des machins. C'est que le mien. Oh. Voilà, le mien, il est vrai. Je vous donne rien. C'est de l'amour. C'est comme ça que vous savez que c'est le vrai. Ouais, je vous donne de l'amour. Les autres, ils vous donnent des faux iPhones. Et bon, tu alors. Suis même pas. Et je vais suivre. J'ai dit que dès que j'arrive à 650 000, on est à 641 000, on est sur le chemin. Tu l'avais déjà dit. À vous de vous dépêcher. Dépêchez-vous. Donc, j'ai mis une petite vidéo avec Richard, la grosse voix d'énergie, vous savez, 17h-20h. Il est venu nous voir là-haut, il est dans les studios et je lui ai fait une petite vidéo. Sur un passonnable. Ah, mais si vous voulez voir la tête qu'il a, sur une Rumba. Quelle belle voix il a. Ah ouais, ouais. Franchement, ouais. Ça envoie du lourd. Il viendra nous voir à Cannes. C'est les clopes, ça. C'est les clopes. Mais si, il a 14 ans quand même. Il a 14 ans. Attends, je l'ai vu, il a garé son Vélib et tout, il est monté. Il a fait studio, 17h-20h, c'est quoi? Salut les bolos. Le Youpala. À 14 ans, tu y arrives pas naturellement, je te le dis. Bon, j'ai le temps de faire quoi? On fait les pharmacies? Oui. Donc, pénurie de médicaments dans les hôpitaux. Et dans les pharmacies. C'est incroyable cette histoire. C'est grave, de ouf. C'est grave même, oui. Merci Jeff de cette participation. Non, mais pourquoi? On sait pourquoi ou... Je voulais arriver à ça en fait, mais pourquoi? Pourquoi? Au fait, Jeff, il est parti. T'es parti à Rome avec ta chérie, tu nous as pas expliqué. Oui, c'est super, c'est super. Est-ce que t'as checké le pape? Oui, ça vaut tôt quoi. Ouais. Et alors, il était sympa ou pas? Raconte-toi ton week-end à Rome. Mais quoi, bah, raconter ses visites. T'as tenu par la main? Bah oui, c'est romantique, Rome. Bien nié, tout ça. Bah oui, puis on a mangé. T'as visité quoi? Le Vatican, Rome, le Colisée, t'as tout quoi. Oh. Arrêtez, c'est gênant. Alors. Week-end à Rome, est-ce que vous étiez tous les deux sans personne? Allez, après ça, c'est ah, là, c'est tout ce que je voulais pas. En attendant,

for y'all, down, down for y'all always. Il va chanter tout à l'heure. Les filles vont fondre. Ah, j'adore. Elles font. Mais de toute façon, les filles, j'ai remarqué, quand on vous chante une chanson d'amour, t'es belle, je veux que tu prennes mon nom de famille, je veux que tu sois... Vous craquez, ouais. Les filles, vous craquez. Ça marche. Savoir chanter ça marche. Ah, non, mais bien sûr qu'il faut une belle chanson. Je veux que tu prennes mon nom. Ça, c'est pourri, mais j'ai l'impression que quand je t'offrirai un pneu. Ça marche pas, ça marche pas. Alors que je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Alors là, alors que je t'offrirai des roues de bagnole avec les jantes, ça vous plaît moins. C'est une autre cliente, c'est raffiné quand même. Sauf une fille qui aime le tuning, mais ça vous plaît moins. Spécial voisin, on va à Montpellier avec Anthony. Ça va, Anthony? Salut Koué, salut l'équipe. Salut mon ami, bienvenue chez nous. J'espère que vous passez un bon moment, vous qui nous écoutez. Là, l'actu, elle est moche en ce moment. Hein. Oh là là, attentat aujourd'hui en Tunisie. Avec, le truc à la synagogue. Voilà, synagogue aux États-Unis, cette espèce de drame horrible. Pff, mais faut, heureusement qu'il faut faut se détendre un peu, hein, les amis. Parce que... Faut rire. Oh, c'est vrai, qu'est-ce que c'est que ces actus pénibles. Anthony, fais-nous rigoler, parle-moi de ton voisin. Bon... Alors en fait moi j'ai eu un petit accrochage avec mon voisin parce que en fait il s'avère que j'habite au second et lui juste en dessous. Non. Et j'ai essayé de mettre un peu de suspense. Ça le fait, en plus. Fait, il faisait souvent des barbecues l'été et le problème que j'avais c'est que en fait l'odeur elle remontait jusqu'à chez moi. Et comme je mets souvent des fringues à sécher, tout ça, bah, ça prend l'odeur, c'est pas cool et tout ça. Donc, je l'aurais fait là. Je t'écoute. Hein. Je l'aurais fait la remarque. Oh. Et le problème, c'est qu'en fait, ils ont toujours continué, ils m'ont jamais averti. Oh. Donc je me suis dit, comment ça fait ? Il faut que je trouve une solution pour éteindre tout ça. J'ai eu l'idée, à chaque fois qu'ils faisaient un barbecue, je me suis dit, tiens, si j'allais arroser mes plantes. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils faisaient un barbecue, j'éteignais leur barbecue de chez moi avec le robinet. Moi, j'aurais pissé sur les merguez. Ah, direct. Sec, gâche pas. Moi, j'aurais fait pipi sur la côte de bœuf. Ah, c'est péché, arrête. Ça aurait peut-être amené ce petit goût sucré. Comment tu l'as caramélisé, Michel, ta côte de bœuf? C'est étonnant, ce petit goût, je le trouve nulle part ailleurs. Ingrédient secret. C'est mon voisin du dessus. Non, c'est très étonnant, ça. Et alors, donc, tu balançais de l'eau et... Et en fait, c'est le prétexte. À chaque fois, j'arrosais mes plantes pendant qu'ils faisaient le barbecue. Et depuis, c'est un peu la guerre parce qu'on n'ose pas trop dire les choses. Et à chaque fois qu'on se les dit, on ne fait jamais ce qu'on dit, entre guillemets. Et depuis, voilà, c'est un peu la guerre entre voisins. Il faut jamais trop se prendre la tête avec ses voisins. C'est compliqué. Après, c'est une embrouille, on s'en sort plus. Il y a des voisins qui peuvent être très, très cons. Hein. Moi, je pense qu'il faut éviter. Ah oui, mais quand tu as un voisin très con. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai déjà eu un voisin très, très con? Non. Non, pas trop. Non, j'ai pas eu. Non. Sauf, t'as déjà eu, toi? Non plus. Non plus. Jeff. Moi, j'ai eu un mec qui m'a gueulé dessus tous les jours en allemand pendant un an et demi. J'ai jamais su ce que vous voulez. Ça se trouve, il était très sympa. Je voulais savoir si la guerre était finie. Peut-être qu'il était caché depuis 40 ans. Je peux sortir. Le mec, il était caché depuis 40 ans. Mais regarde, c'est fini. Personne ne lui répondait. Il ne disait jamais rien. C'était que le matin quand on se croisait. Le mec, il était déserté il y a 40 ans. Il était planqué dans l'appart d'à côté. Personne ne lui répondait. Alors, Bordas. Moi, j'ai eu un voisin qui avait. Merci, Bordas. Merci, Anthony. Sam. Comment ça va, Sam? Je t'écoute, mon Sam. Salut Coco, salut l'équipe, vous allez bien? Salut, on est dans les Hauts-de-France avec ça, on va très bien. Raconte-moi l'histoire de voisin. Celui qui conduit? Oui, celui qui ne boit pas surtout. Ah non, mais moi je ne bois pas de toute façon. Bah non, c'est celui qui conduit. Oui, c'est Sam, c'est normal. Obligé, c'est obligé. Bah évidemment. Et donc? Alors, moi j'ai acheté une maison il y a un an et je ne savais pas qu'en fait j'avais emménagé à côté de Tati Daniel. Ah mais ah, il est la youtubeuse ah, là là, j'ai une voisine de 64 ans, mais vulgaire, radine, et elle gratte tout le temps, elle m'a volé des trucs, c'est un truc de malade. Elle vole? Elle vole? Elle a volé quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a volé? Bah déjà, rien que par exemple, vous savez, pendant la Coupe du Monde, on mettait des espèces de chaussettes au rétroviseur là. Ouais. Attends. Ah bon? Non, pas chez moi. Ah ouais? On a un peu les mêmes Coupes du Monde. Tu mettais des chaussettes en rétro? Bah les chaussettes, vous savez, bleu, blanc, rouge là, pour les rétros. Non mais pas des chaussettes vraiment, pas oui. Oui. Des housses oui, de voilà, retour. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais. C'est ça, avec deux chaussettes achetées, une vous l'a offerte, c'est ça. Je me souviens. Et donc bah, je me suis aperçu qu'un jour, elle était sur sa vieille voiture, quoi. Ah, elle a piqué les chaussettes bleu-blanc-rouge. Ouais, et en plus, elle habite à, du coup, 5 mètres de chez moi, quoi. Je l'ai grillé direct. Ah, t'as du terrain, toi. Non mais, j'ouvre ma fenêtre, je suis contre. C'est immense. Non, c'est chaque matin on ouvre nos fenêtres, on est l'un contre l'autre. Bonjour voisine. Comment allez-vous? Vous allez bien voisine? J'aime la promiscuité. Rentrez votre tête, je peux pas ouvrir le volet, pardon. Hop là. Ah oui, alors ça s'arrange comment maintenant? Mais mal, elle m'a pas fait que ça. Des fois elle vient chez moi me gratter des trucs, une fois elle rentre. Je lui parle, il me manquait un truc, puis en fait on mangeait des frites maison et elle fait oh tiens des bonnes frites maison, on en fait jamais ça. Oh, et elle se met à en manger une quoi. Tranquillement. Mais bon, non. Ça va, tu peux offrir. Non. Fais pas ton rat. Non, mais ça se fait pas. Non, mais sur le principe, ça se fait pas. Qui êtes-vous? Bande à s'enchanter. Et d'où prenez la parole? Non, mais c'est. Excuse-moi, bah voilà. Mais ça sur le principe, ça se fait pas. Ça me révolte. Non, révolte. Tu prends pas la parole comme ça. Ça se fait pas de prendre la parole. Je t'embrasse, Sam. Gros bisous. À bientôt. Ciao. Embrasse ta voisine, tes frites, tout le monde. Embrasse tout le monde. À bientôt. Dans un instant, il sera notre invité. Il y aura Amir qui sera là. On va se faire le nouveau titre en live. On va passer un bon moment. On fera un Facebook Live tout à l'heure. Oui, peut-être dans 5-10 minutes, on verra, on fera un Facebook Live. Restez avec nous, je vous fais un gros bisou. Aujourd'hui, on est lundi, on est là jusqu'à 20h. 20h, c'est le Rico Show. Demain, on sera là avec Angèle. Mercredi, spécial Halloween, ne la ratez pas celle-là. Elle va être magique. Elle va faire peur, à tout de suite. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Qu'est-ce que vous ne direz jamais sur vous, hein, premier rendez-vous, Paulette? Et moi, quand je suis trop contente en couple, ben je mords. Tu mords la personne? Ouais, je mords la personne quand je suis trop contente. Attention, je le fais aussi quand je suis pas contente. Ah ouais. Ah. En fait, tu mords tout le temps la personne. Je mords assez régulièrement. Oui. Très bien. Donc en fait, en cadeau de Saint-Valentin, faut t'acheter une muselière. Ouais. Manu dans le 6-9. Manu. 6h, 9h30 sur Énergie. Bientôt Halloween! Tous à vos déguisements! Jusqu'au 31 octobre, pour un déguisement ou accessoire Halloween acheté, le deuxième est à moins 50%! Oui, moins 50% sur la deuxième panoplie ou accessoire Halloween! La grande récré! Remise sur le moins cher des deux, offre non cumulable. Liste des magasins participants sur lagrande-récré.fr. Chers voyageurs, notre voyage continue. Oh, écoutez, vous entendez? 10, 10, 10, 10, 10, 10. Les forfaits Power. Pour attirer leurs partenaires, ils chantent leur prix. 10€ par mois. Ah, j'en vois déjà qui sont séduits, hein. Ah oui, Francis. Chez SFR, les forfaits sont irrésistibles. Jusqu'au 19 novembre, le forfait Power 50Go 4G+, est à seulement 10€ par mois pendant un an, puis 25€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, pour écouter la playlist Énergie. Énergie, hit music only. Tu reviens d'où comme ça? De la pharmacie. Pour les médicaments de maman? Ouais, le pharmacien m'a donné des médicaments Mylan. Les mêmes qu'à l'hôpital? C'est ça. En même temps, j'ai entendu que Mylan était présent dans 90% des hôpitaux. Ah ben moi, ça lui changera pas ses habitudes. Par contre, toi, faut que tu te mettes au sport, frérot. En plus d'être présent dans plus de 90% des hôpitaux, Mylan s'engage à choisir des excipients limitant au maximum les risques d'intolérance. Demandez conseil à votre pharmacien. D'après élément démographique 2017, panorama au 1er janvier 2017. Ordre national des pharmaciens et données internes. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. À la fois conseiller, commercial et responsable SAV, il sait tout faire en évitant les tuiles. Lui, c'est Richard. Richard Oise, artisan couvreur et son Citroën Jumpy. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Jumpy taille M Business avec navigation connectée 3D est à partir de 189€ par mois, maintenance comprise. Citroën. crédit by 60 mois, 75 000 km, avec premier loyer de 3 130 euros, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 octobre, sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. Pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. So I'll go, I will go, go, go. So I'll go, I will go, go, go. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Chez Koei, sur non, non, non, attendez, non, non, en fait, non, pardon, pardon. Ils sont non, plantés non, de jingle. Excusez-moi. Ça commence bien. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est ce jingle, Oshi? Il y a marqué Amir. Alors non, alors je l'ai devant moi. Si ça c'est Oshi, elle a beaucoup changé. Ouais. Non. C'était censé être qui? Bah, c'était censé être Amir. Ah oui, mais là c'est Amir qui est avec nous. Cherche dans Oshi. Du coup. Vas-y, mets Oshi, t'auras peut-être Amir. Vas-y, tu l'as ou pas? Bichette, t'as quelque chose? Ça me paraît mieux là. Ouais, ça c'est un peu plus moi, c'est vrai. C'est une reprise de Oshi que je chante. Amir s'installe chez Koei sur Énergie. Yeah. Réédition de l'album d'Amir qui s'appelle Addiction. Il est notre invité Amir. Est-ce que tu sais? D'abord, bienvenue mon ami. Merci. Ça fait très plaisir de te revoir. Tu sais que tu seras notre invité le 9 novembre, puisque le 9 novembre, nous serons en live pour le Before des Energy Music Awards, en bas des marches, etc. On filmera ça pour il y aura des caméras. Allez, gros budget. Chaud. Cette année, ouais. Gros budget. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Cette année, l'émission de radio, là, je la fais. Là, je tu peux donner des chiffres. Ça va loin, ça va être magique. Non, mais on va filmer l'émission. Il y aura plein de stars. Tu seras avec nous le 9, et parce que c'est le jour en plus de la sortie de l'album et de la réédition. C'est vrai. Ouais, tu seras fort. Avec nous. Tu sais tout. T'es peut-être pas au courant, mais j'ai la liste, t'es prévu. Hein. J'ai marqué Amir. C'est normal que si on est tous les deux à Cannes, on se voit avec ou sans émission de radio. Obligatoire, minimum. Bon, tu es, alors attention, on va parler de choses sérieuses. Cette année, tu es nominé pour les Energy Music Awards dans la catégorie artiste masculin francophone de l'année. Ouais, c'est ouf, je te jure que c'est ouf. Non, déjà c'est bien. Non, bien sûr que c'est bien, mais pour moi, c'est déjà comme si j'avais remporté. Comme disait Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer. Exactement. Voilà. Et après, il a dit, mais putain, qu'est-ce que c'est bon de gagner. Alors, tu es face à Kenji, Maître Gims, Aurel San, Slimane et Soprano. Alors, tu le sens comment, Coco? Parce qu'il nous le fait à chaque fois, genre, j'ai le nez. Alors, j'ai le nez, mais là, je vais être honnête avec dur, vous. Hein. Là, c'est très dur. Là, il y a du lourd. Là, c'est très dur. Je sais pas, Maître Gims, j'aurais envie de dire. La dernière fois, il ne l'avait pas eu, il était tout fâché. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas sûr qu'il l'ait. T'es dur. Non, mais alors, attention. Non. Bah, de toute façon, personne n'est sûr, quoi qu'il en soit. On est en train de deviner. Non, mais là, je suis en train de faire un raisonnement. Il fait le voyant. Fan, communauté de fans, ouais. Engouement de fans. Tu vois, je fais un petit mélange. Aurel San, non. Je ne crois pas que c'est Energy Music Awards. Je ne crois pas. Aurel San, il y a une quantité de fans monstrueuse. Mais je sais. Slimane, non, peut-être un peu encore trop jeune, Slimane. Encore un petit peu. Je dirais entre Soprano, Kenji et toi. Ça se resserre. Ah, bah, ça me flatte déjà. Ça se resserre. Et ça t'arrange. Soprano, Kenji. Il a fait beaucoup de choses cette année, Soprano. Son Soprano l'a remporté l'année dernière. Donc, c'est sûr qu'il en est capable, largement. Ouais. Kenji a une magnifique communauté de fans, ça je le sais. Et je toi aussi. Vois de près. Et moi aussi. Bah oui, aussi. Mais c'est moi ça. Aussi, mais c'est je ça. Me garde en dernier. Moi, je pense que tu j'ai une communauté extraordinaire. Je vais être honnête, de toutes les catégories, je pense que c'est celle qui va être la plus. C'est la plus compliquée, ouais. J'ai pas trop d'idées. Parce que tous ceux qui sont dedans méritent d'être dedans. Je déconne pour Aurel San et Maître Gims. Ils méritent tous d'être dedans. Ouais. Des fois, il y a des noms qui déboulent. Tu fais, oh, bon. Mais là. C'est un truc qui m'a surpris. C'est complètement dans le sujet, mais sur une autre catégorie. T'as remarqué que Dua Lipa, elle est à la fois révélation et artiste féminine internationale. Oui. C'est dingue quand même. Ouais. Mais comment on fait? Elle se dédouble. Et elle est aussi dans artiste masculin français. Voilà. Dua Lipa, elle est dans tout. Et elle trouve ça ouf, je vote tous les jours et à chaque fois je vois son nom dans deux catégories, j'arrive pas à piger. Elle est dans meilleur groupe français aussi, je crois. Et international aussi. Non, mais elle est dans quoi? Révélation. Révélation internationale et artiste international. En général, ça va pas ensemble parce que t'es soit là. Soit révélation, soit artiste. Ouais. Je vous propose d'appeler la direction d'Energy. Tu as raison. Amir, tu sais quoi? On va poser la question. Non, mais quand il y a un souci, on se dit tout dans cette émission. Il y a un schisme là. Vous avez un truc qui va pas, vous sentez quelque chose qui va, j'appelle la direction d'Energy. Ça va te faire perdre, hein. Ça je te le dis tout de suite. Mais... Arrête, je vais régler ce problème. Je vais poser la question à Gaël, voilà. Voilà, je vais mettre mon téléphone en haut-parleur. C'est une bonne question. Mais d'ailleurs, c'est une très bonne question. C'est intéressant. Je pensais que tu avais la réponse, Coco. Aucune idée, moi. On s'était pas posé. Hein. Non, parce que vous votez pas, les gars. On l'avait pas vu. On n'a pas le droit, nous. On ah oui, c'est vrai. Pas, logique. Logique. Toi, tu votes? Évidemment. Allô? Gaël, ça va? Ouais, et toi? Oui, ça va bien. Je suis avec Amir, là. On est dans le studio. Amir, Gaël. Amir. Salut, Gaël. Voilà. Salut, Amir. Alors, qui avait une question? Très bonne question. Très pertinente. Oui. Très pertinente. Alors, la question était, comment se fait-il que Dua Lipa soit dans la révélation internationale de l'année, ainsi que dans meilleure interprète féminine de l'année? Tu as 5 secondes. Je vais réfléchir et je vous rappelle. I call you back. Merci Gaël. Sur le coup. On finit à 20h, tu as exactement 34 minutes. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je viens de disqualifier Dua Lipa DNA, je crois. Tu es l'erreur de ma vie. Tu l'as mis dans une. Là, t'as mis en ébullition tout l'immeuble. Ah, je pense qu'ils n'avaient pas prévu. C'est pas normal qu'ils n'ont pas remarqué. Arrête. Il y a des milliers de gens qui votent tous les jours, ça se voit. Arrête, on ne remue pas le cas. Fou, c'est beau, dans un instant, Amir, nous reviendrons sur moi, tes chansons. Moi, je peux pas avoir une place dans la révélation aussi, juste pour le kiff. Non, toi, je t'ai mis dans groupe punk international. Merci. Dans un instant, nous aurons des chansons, toutes les chansons d'Amir nous reviendront dessus. Nous aurons un challenge en fin d'émission. Nous aurons le titre en live d'Amir et je poserai des questions à toute l'équipe. Sur Amir, on sera en Facebook Live d'ici quelques secondes, on va l'allumer. Je poserai des questions sur sa vie. Toi, tu ne répondras pas, tu devras faire poker face. Mm-hmm. Et l'équipe, un par un, devra me dire si c'est vrai ou faux ce que je raconte, la révélation. Toi, poker face. Hein. D'accord. On va voir si tu joues bien. Oh, allez. Dur. Amir mesure 2m22. Ah, c'est vrai, ça, c'est vrai. Non, mais. Il fait bien la poker face. Moi, je fais poker face. Il le fait bien, Restez avec nous, on est sur Energy. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, plus sur les monétières. C'est pire qu'un testament. Joli coin de France, enterrez-nous vivants, bâillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas, on te laisse en héritage, la piste nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité, on a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Il y a bien une chose que j'aime, plus beau que la Corrèze. Soyez sûr dans le tunnel, oui j'ai coé en cathéter. L'écouter tous les soirs, j'ai les oreilles qui vrillent. Attention au traquenard, il a une équipe débile. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Coé! 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. De l'album Addiction, on le fêtera le 9 novembre à Cannes, il sera avec nous, mais sachez qu'aujourd'hui, je vous le dis, ça sort le 9 novembre, il y a déjà 200 000 albums vendus, tout va bien, il y aura 14 titres. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y aura bloqué, pas 14 titres. Si, c'est sérieux. 14 titres. Ouais, ouais, ouais, on a fait une réédition très grosse. Ah oui, grosse, oui. Ouais, très grosse. Ouais. Grosse réédition. Malgré le froid. Bravo. Bravo, jeune homme. Non, parce que 14 nouveaux titres, ça, c'est très fort. Ouais, ouais, ah, non, c'était incontrôlable, hein, je te jure. On est rentré en studio, on s'est dit on va en faire 2-3, et puis on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, et encore beaucoup, plein de nuits blanches, beaucoup d'inspiration, et ça a donné ça. Dont ce titre que vous entendrez dans un instant. On en parlera avec Amir. Bravo, hein. 8 novembre à Paris, à la salle Pleyel, et le 16 mars au Zénith de Paris. Yes. C'est pas ton premier Zénith de Paris? Oui, c'est mon premier Zénith de Paris. Oh, ouais. C'est bien. Tu lui as pas dit à quelle occasion tu écoutais sa chanson? Ah, on en reparlera tout à l'heure. Parce okay. que je vais faire un truc, c'est. Non, vous savez, dans un instant, je vais faire ma vie sur les chansons d'Amir. On, okay. On en parlera d'ici quelques minutes. Nous aurons un challenge, nous aurons le titre en live. On est en Facebook Live. Ouais. Je fais un bisou à tous ceux qui nous suivent en Facebook Live. Bonjour à vous. Je vous présente le public, je vous présente l'équipe, Jeff et Amir, qui est notre invité, qui est avec nous. J'ai appris des choses sur Amir, Amir Pokerface. Quoi que je dise. Don't move with the face. The poker face. All right? Du coup, il parle plus. C'est j'arrive pas à mentir, moi. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je me taise. Question pour Jeff. Oh là là, ça y est. Il faut me répondre vrai ou faux, en fait, oui, tout simplement. Oui, oui, ok. Amir a gagné, bien avant la France, la nouvelle star en Israël. Vrai. Amir, la réponse? Non, mais j'ai participé à la nouvelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y avait un piège. C'est ce que je voulais dire. J'arrive en finale. arrivé en finale, mais il n'a pas gagné. Miko. Oui. Pour The Voice, la première chanson qu'a chantée Amir était Candle in the Wind d'Elton John. Je vois pas chanter ça, mais pourquoi, pourquoi? Bah pour... Bon allez, oui d'accord, vrai. Je vous présente l'homme qui a un avis tranché. Conviction man. Ah, et quand il a une conviction, il bouge pas lui. C'est le genre de mec, il a mis son bulletin de vote dans l'urne, il fait non, non, non, non, je me suis trompé, je me suis trompé, je me l'assure. Attends, t'as pas vu ça demande en mariage, c'était pire que ça. Pourquoi pas? Ouais, vrai, je dis vrai, pourquoi pas. Vrai? Ouais. Amir? C'est vrai, bravo. Bravo. Yes. Mais il peut tout chanter, Amir, en passant. Stouff. Oui. Le cousin d'Amir, Anthony, a participé à la Nouvelle Star également. C'est de Mathieu. Je cherche. Vrai. Poker Face. Et non, il a participé à The Voice l'année dernière. Et il a été éliminé à l'audition finale. Ouais, c'est ça. Oh, il ne peut pas y avoir que des vedettes dans la même famille. Oui, hein. C'est impossible. Ouais, non, mais je le soutiens, métier, hein. Je soutiens. Il prépare un très bel album. Et, mon bientôt, album photo de ses vacances. Ah, ouais. sur mon album photo. Vista Print. On continue. Monsieur Bordas. Oui. Avant d'être chanteur, Amir était dentiste. Tu peux sourire juste. Ça veut rien dire. C'est ça. Pas le délire. Il a pas dit qu'il était dentiste sur lui-même. Bah oui. Bah oui, regarde, ta mère, elle est orthophoniste. Et... ça va rien dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ou pas? Mais il a une très belle dentition, je dirais vrai. Et c'est vrai. Oui, oui. Voilà, bah, dentiste. Yeah, ouais. Bon, ça, c'était connu. Hein. Docteur Amir. Jeff. Oui. Amir a fait de la prison deux fois. Bah, elle est trop chelou la question, je dirais vrai. Sinon, tu poserais mais pas, non, c'est mais pas drôle. Mais tu sors ça? Bah, je sais pas. Je pose des questions. C'est un mec bien, non? Mais alors, tu peux être bien, moi, j'en ai déjà fait aussi. Non, tu peux être bien et faire de la prison, c'est assez non, rare. Non, non, non mais par inadvertance. Non. Par inadvertance, mais non. Non, mais c'est bizarre de poser ce genre, cette question. C'est, à si moins c'est d'une erreur judiciaire. Ça. Voilà, moi, je dirais vrai, je m'en fous, je dis vrai. Il paraît même que Booba et Caris baissent les yeux quand ils le croient. J'ai vu. Alors, tu dis? Moi, je dis vrai, il y a un truc. Suis Amir. La t'as prison. T'as raison, c'est le cas. Wow. Mais il faut quand même juste, je précise, c'est pas une prison chanté. Normale, c'est pas un truc pénal, c'était une prison militaire quand je faisais mon service militaire à deux reprises. Okay. C'est leur truc correctionnel quoi. Et j'ai pas été très. Et ça a fait quoi comme bêtise? Tu sais, je m'endormais pendant une garde. Oh ouais, non, c'est, mais tu c'est des conneries, ah ouais, c'est ça fait pff, ouais. Ah, ça voilà. Peut être dangereux. On peut dire il a été en prison selon deux fois, certaines mais régions pas du la prison monde qui fait peur quoi. Ouais. Selon certaines régions du monde. On peut dire que le mec est à la frontière de la Corée du Nord, il s'endort et ça peut mal finir hein. Miko. Le deuxième prénom d'Amir. Oui. Et Abel. Mais il ne l'a pas gardé parce que ça faisait Amir Abel. Et qu'il ne boit pas d'alcool. Non, je dis faux. Je dis faux. Pourquoi faux? Non, bah, Mirabel, non. Non, mais par rapport à l'alcool. Ouais. Non, je bois pas d'alcool. Amir, Abel, ça fait. Non, ouais. C'est pour ça qu'il l'a pas utilisé. Non, je dirais faux. Eh ben. Bon, allez, t'as raison, Miko. Allez! Ça aurait été drôle, Amir Abel. La dernière pour Stouff. Oui. Amir est sourd d'une oreille. Bah, si tu regardes, tu verras pas. Hein. Mais non. Oui, c'est pas en le regardant dans les yeux que. C'est pas elle le regarde comme ça. C'est... Il a un bouchon ou pas? Non, mais comme il chante très très juste, enfin, je me dis qu'il faut. Attends. Mais arrête de le regarder dans les yeux, ça se voit pas dans mais les on yeux. Profite, pécho, en fait. Pécho. Tu regardes s'il ment, c'est ça, tu regardes s'il fait un poker face. Bien sûr. Oui. Pourquoi tu dis oui comme ça? Oui. Oui. Parce que je regardais Jennifer. Il y a Poucave là-bas. Ah non, il y a une solidarité. Ah non, ouais. T'as pas le droit de tricher. Sors. Alors? Non mais c'est vrai, sérieux? Ouais, c'est sérieux, j'entends pas de l'oreille droite, c'est vrai. Mais complètement? 80% de baisse. Oh la vache, ouais. Une connerie? De naissance. Un bruit? De naissance. Ouais, de naissance. Moi, je m'en suis rendu compte une fois parce qu'on mangeait tout ensemble, tout. Un jour, puis je lui ai parlé. Je me suis rendu compte de là parce que je lui disais, tiens, si après on va dans un club échangiste, il disait, d'accord. C'est là où je me suis rendu compte. C'est à droite. J'étais pas bah du oui. Bon côté, j'étais à droite. À gauche, il voulait plus. On se fait le titre en live quand? Tout de suite? Oui, maintenant. Tout de suite maintenant? Oui, je le veux maintenant. C'est vrai, tu le veux maintenant? Oui, je le veux maintenant. Pour vérifier si je chante eh juste. Eh bien, tu l'auras oreille. Juste après la pub. Dans un instant, Amir, vous l'entendrez le titre en live dans quelques minutes. Restez là. Qu'est-ce qu'on écoute, Bichette? En écoutant Angèle. Voilà, t'aimes bien Angèle? J'aime bien, je la trouve très jolie. Bien, elle sera là demain. Donc vaut mieux que tu l'aimes bien. Restez avec nous. Amir est notre invité. On a encore pas mal de surprises dans un instant. À tout de suite. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. J'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais, si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. 17h20. Oui. C'est Coé sur Amir est là. Dans un instant, vous entendrez l'un des inédits de l'album d'Amir, la réédition sort le 9 novembre. Breu. Vous entendrez ce titre dans un instant. Ça va être très très beau. On est en Facebook Live, tout le monde. Avant tout ça, je vais te parler d'un truc sportif dans un instant. Ouais. Que t'as fait. Faut que tu me dises si c'est vrai ou pas. Ok. Vraiment. On est encore dans le jeu là où il faut faire poker. Non. Là c'est fini. Non. Par contre, j'ai repris quelques-unes de tes chansons et je voudrais te raconter un peu de ma vie privée. Allez. Ah oui, on se connaît depuis quelques années, toi et moi. Ça fait combien de temps? Dès le début, en fait. C'est vrai. Mais je vais te dire un truc. Je sortais de The Voice, j'avais pas encore mes morceaux, j'étais pas encore un artiste reconnu. Et t'avais un chroniqueur qui s'appelait Amir ou un gars qui bossait ici. Oui, absolument. Et il m'a invité parce qu'on s'appelait tous les deux Amir, on s'est croisés sur les réseaux sociaux. Je suis venu, j'ai assisté à l'émission depuis le côté et après je suis venu te parler. Et t'as été adorable dès le début. T'as été quelqu'un de très humain, très humble. Moi, je me suis dit, parce que je suis pas célèbre, alors peut-être que ça va être difficile d'accès, mais au contraire. Et tu m'as dit, le jour où t'auras tes morceaux, tu viendras dans mon émission et t'as tenu ta promesse depuis le départ. Donc merci, quoi. J'ai été humble. On m'applaudit. J'ai été humble. Une fois. Gloire à moi. Une statue. Merci, mon ami. C'est très gentil. En tout cas, on se suit depuis des années et je serai toujours là. Sache-le. Merci. Non, oh, mais c'est vrai. Non, l'année dernière, t'étais pas là. Oui, c'est vrai. J'étais pas là, mais ailleurs, il est venu quand même. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On ne se quitte jamais. Je suis de retour maintenant. Alors, je vais être honnête avec toi. Oui. J'ai fait l'amour sur tes chansons. Voilà. Oh. Et crois-moi, c'est pas facile. Ça met une pression de ouf. Je vais tout te raconter, Amir. J'étais avec une copine qui est fan de toi. On a lancé toute ta discographie et elle a sélectionné. Au cœur de moi. Au fond de mes racines, personne ne va. personne ne va, ok. Et puis elle a enchaîné sur. Et t'as réussi à traîner ou ça? Alors, petite pression hein, quand même, mais ça va, allons-y, mais là elle enchaîne sur. Je voudrais que ça dure longtemps. C'est grosse pression. Ok, je vais faire ce que je peux alors, je me mets en condition. L'animal, rien que ça. Le problème, c'est qu'à force de. Bien, j'ai eu la panne. Aïe. Oh non. J'avais perdu ma zizounette. Ah, la zizounette. Je l'ai perdu. Et pourtant, croyez-moi. J'ai cherché. Mais au bout de 20 minutes de concentration extrême à force de fouiller. Ça y est, je t'ai trouvé. Oh, félicitations. Là, je me suis déchaîné sur la demoiselle, vraiment. Je lui disais, hé, hey, moi, c'est Coé. Et là, elle me disait. On dirait bien que c'est toi. Et 45 bonnes secondes plus tard. Au moins. C'était long, là. J'ai fini, je suis allé dans le frigo, j'ai bu un truc de bonhomme, bien fort, bien strong. Comme un l'Oasis, c'est. Ah ouais, c'est bonhomme, hein. C'est violent. Voilà, Amir est notre invité dans un instant, le titre en live. Mais est-ce que c'est vrai que t'as fait un truc qui s'appelle l'Iron Man? T'as fait ça, toi? J'ai fait déjà 3 Iron Man. Mais oui. C'est ouf, c'est quoi l'Iron Man? C'est un triathlon, mais poussé à l'extrême. C'est-à-dire que moi, je fais des semi-Iron Man, c'est déjà assez violent. Je fais 2 km de natation en eau libre, dans la mer ou dans un grand lac. On finit les 2 km, on part sur 90 km de vélo en montagne. Et on termine, on enchaîne avec un semi-marathon de course à pied. Mais il faut faire le tout dans des heures, enfin dans un temps très, très défini et très précis. T'as fait 70 km au Portugal, c'est ça? Non, ça s'appelle 73, ah, ça, c'est 73. Mais c'est en miles. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a 113 km au total, exactement. Et j'ai fait au Portugal, j'ai fait à côté de la mer Rouge et j'en ai fait encore un là récemment à Nice. Puis je me suis inscrit au Sable d'Olonne et j'aime beaucoup ça. C'est un espèce de truc qu'on fait en parallèle de la tournée avec mes musiciens. On s'entraîne dans chaque ville où on atterrit et c'est très très cool. Puis toi, tu fais le Batman. Tu collectionnes les voitures. Il collectionne les caisses. Le Bruce Wayne. Jeff, il fait le Fat Man. Oui. Je suis meilleur. Non, mais c'est bravo, mon ami. Merci. Ah, merci. C'est énorme. Alors, pour la peine, nous allons lancer dans un instant notre Iron Man. Ouais. Waouh, wow, il y a du budget là. Es-tu prêt à relever? Ouais. Une série d'épreuves que je ne connais pas, je te le dis tout de suite, que Stouff a, qui est la nana qui gère cette émission. S'il faut, ouais. Et qui est contre lui? Toi? Ah d'accord. Oui, toi. Donc moi comme lui. Oui. Voilà. C'est des épreuves. Tu veux que je rajoute des gens ou Non, ça ira. Vous deux, celui de nous deux, je ne connais pas les épreuves. Ouais. Qui perd. Bah rien que la première, tu vas perdre. Devra. Ça. Devra faire la fin d'émission dans cette magnifique tenue officielle d'Iron Man. Officielle. Présentée par les studios Marvel. Tony Stark, voilà, c'est le truc officiel. C'est la version poche, c'est la version qui se met partout. Es-tu prêt, oui ou non? Tony Stark. De toute façon, j'ai pas de costume pour Halloween, ça m'arrange de perdre. Il est pourri quand même. Allez. Quoi, ça y est, j'ai perdu? Non, okay. Dans 3 minutes, juste avant le live d'Amir, qui fera l'Iron Man? Faux stars préférés reviennent tout à calme. Le 10 novembre, pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Les Energy Music Awards 2018 avec Laser Game Evolution, créateur français du jeu 100% laser. Laser Game, c'est nous. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Wow, couronne de Guy, bougeoir doré, verre à pied, t'as mis les petits plats dans les grands? Ouais, je voulais te montrer. Tu vas me demander en mariage, c'est ça? C'est oui? Oui, non, en fait, je voulais te montrer la décoration de table qu'on pourrait faire à Noël. Vous aussi, avec IKEA, préparez une table de rêve et une ambiance féerique pour les fêtes à petit prix. Rendez-vous vite dans votre magasin ou sur IKEA.fr pour découvrir la nouvelle collection de Noël, comme l'assiette Winter à 2,99€. IKEA. Je prendrai 2 tapas de la mer et une cocotte de moule. Alors on a dit 3 tapas et une cocotte XXL. Non, c'était 2. Oui, mais en ce moment, Léon voit grand. Il vous en offre plus pour le même prix.

Allez. D'accord. Alors, avant que ça commence, je te préviens, il est hyper premier degré, attention. Ouais, je ne mettrai pas le truc d'Iron Man. Je conseille de le laisser gagner. Je ne le mettrai pas. Je suis premier degré. Il n'y a plus d'amitié qui tient. Ah, il n'y a plus. Allez. Donc, on va voir celui qui tient le plus longtemps sur la chanson de Whitney Houston. Laquelle? I will always love you. Love you. Il faut tenir la note. Ah, celle-là. Refais tout. Celle-là? Ouais, celle-là. Ok, vous avez le chrono? Ouais. Commence par Amir. Moi? Ouais, ouais. C'est toi? Non? C'est quelqu'un d'autre? Qui est Damien? Ok, j'y vais. And I... Respire pas. Combien il a fait? 13,91. Je vais le meuler. Attention. Oui, je le ferai en moins juste, ça dérange personne. Non, hein, vas-y, en déjà. Plus, karaoké Melun, 23h30, hôtel Mercure. Toi, Oh, le faux départ. Je pense que je vais faire 3 secondes. And I... Lover. Allez, go, go. Coup là, Amir Wellington. T'as dû me faire comme ça. Suivant. Dire le plus de fois possible sans se tromper. Alors notez peut-être, hein, parce que on sait. C'est quoi? Un chasseur sachant. Bah donne chasser. Donne le texte. Bah, je peux pas le dire vite. Hein. Ah bon. Un chasseur sachant. Mais donne le chasser. Texte à l'écrit. Oui, chez Soch. Gagne du temps. Sans son chien. Oh, est un bon chasseur. Donne le texte écrit. Vous avez rajouté chez Soch. Hein, c'est pas fait. Voilà. Oh, vous êtes salaud. Hein. Allez. Ok. Le plus coupe la musique, coupe la musique, elle soupe. Ça, je suis là. Sans se tromper. Il stresse. Okay. Grave. C'est qui? C'est encore moi qui commence. Okay. Oui. Un chasseur sachant chasser chez Soch sans son chien est un bon chasseur. Un chasseur sachant. Perdu. Une fois. C'est dur. Je t'ai dit qu'il est premier degré. Regarde-moi. Allez, vas-y, Coco. Allez. Un chasseur sachant chasser chez Soch sans son chien est un bon chasseur. Un chasseur chassant. Mais. Égalité. Ah, l'égalité, les gars, alors. Oh, tout se joue sur le dernier. Oui, mais Amir a toujours l'avantage. Je ne mettrai pas. Amir a toujours l'avantage, hein, il a toujours un point. Ok, et c'est quoi le dernier? Tenir la position gainage sur le côté, le plus longtemps. C'est quoi gainage sur le côté? Allez, Coco, tu mets le costume. Le gainage. Comme ça, là. Ah, t'es mort, là. Allez, c'est mort, tu mets le costume. Allez, côté. Il a fait Iron Man, le mec. On s'en fout. Allez, on y va. Allez, comment tu veux qu'on se mette? Allez, d'accord. Donc voilà, les deux sont par terre. C'est pas mon côté celui-là, mais je vais mettre comme ça. Je s'occupe pas mon côté. On se voit en même temps. Et quand je dis top, vous y allez, d'accord? Vous venez souvent ici. Jeff, tu lances le chrono? On y va? T'es prêt? On y va. Top. Plus haut le cul, Coco. Ouais, comment? Plus haut le cul. Oh, ouais, oh. Arrête de frimer. Well, always love you. C'est pas pareil, hein. Mais il va tenir plus longtemps que moi, sauf que ce que t'as pas remarqué, c'est que si tu tiens, on est à un partout. Ah mais il tremble déjà. Bah, je m'en fous. Ouais, non, là, ça va pas le faire, Coco. Non, Coco, tu tiens. Trop bas. Non, Coco, tu tiens. Pense à Pikachu, hein. Pense à Pikachu. Est-ce que t'as vérifié que le costume, il a ta taille? Oh, arrête, fais chier, ça. Non, mais parle. Ça passe. Parle pas, Coco, tu vas t'essouffler. Non, j'ai rien fait. Mais c'est quoi, c'est de tricher. Non, Coco, tiens. Tiens. Ça y est, il a arrêté de parler. Tiens, Coco. Merci beaucoup. Faites-lui un bon 42 secondes. Ok. Bon, je propose que Amir fasse son live. Eh ben Amir fait son live, bien sûr. Et qu'est-ce qui est tombé? Je sais pas. Amir fait son live, bien sûr. Amir est en position. Voilà. T'as un peu essoufflé? Comment? Un peu essoufflé? Pas du tout. Je fais ça tous les matins. Mais de l'autre côté. Ah, c'est pour ça. Ouais, oui, c'était pas le bon profil. Je suis fait avoir. Fair play avec moi, ouais. Vas-y. Non. Et toi, tu veux le costume? Si. Allez. Non. Ah ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non. Allez, je vais vous demander de faire énormément de bruit. Pour celui qui est notre invité, l'album Addiction Réédition sort le 9 novembre, en tournée partout. Il sera à Metz, Le Mans, Strasbourg. Le Touquet, tu viens chez moi? Tu vas venir chanter au Touquet? Toi, tu viens du Touquet? Mais oui. Mais c'est, attends, le Touquet, c'est où? C'est en Normandie? Dans le Nord, non, malheureux. Le Nord, ouais. Pardon, pas le même climat du tout, enfin. Tu m'avais dit que t'étais Picard. Eh ben voilà, c'est un peu plus haut. Picardie. C'est un peu plus haut. D'accord. Voilà, tu sais quoi? Quand tu viens, je t'invite à la maison. Avec plaisir. Voilà, je vais regarder la date et je t'invite à la maison. Volontiers. Saint-Quentin. Tu sais que je suis né à Saint-Quentin. C'est vrai, ça. Et qui fait que les villes. Il va squatter partout. Voici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites là? Il replace Amir. Il met au milieu. Il se mouche, mais il a raison.

Ouais, de ouf. Merci pour cette précision. Wow. Qu'est-ce que je te dis ? Faut que tu bosses à la politique, toi, le jour des élections. De alors, vous avez gagné. Il, oh, il est président de combien ? De ouf. Oh, de ouf. Ah, il est président de ouf. Bah, il avait vachement de monde. Bolos. Merci à vous tous. Hein. Merci comment ? T'en chies un peu. Un peu. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Merci de m'aider. Enfin, il y en a une personne qui m'aide pour que j'enlève mais ce truc moche. Faillot, juste pour vous dire qu'on a cartonné la vidéo de Halloween et est dispo sur notre chaîne YouTube depuis hier soir. On a fait plus de 100 000 vues en quelques heures. C'est un truc de dingue. Allez la voir. J'espère que ça vous amuse. Demain, on sera de retour. On vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show. Ça va, les amis, là-haut? Yes, vous êtes ça en va, forme. L'équipe. Ouais. Est-ce que tout va bien pour vous? Écoute, ça va. Il fait nuit de plus en plus tôt. C'est chiant, mais ça va. Est-ce que ça a gêné quelqu'un, ce changement d'heure? Vous avez dormi plus? Vous avez ça? Tout le monde s'en fout? Non, on s'en fout. C'est pour le moral, le soleil, c'est pas mal, quoi. Il faudrait qu'on arrête, quoi. Est-ce qu'il y a qu'à vous que la... Enfin, moi, j'ai un iPhone. Ouais. Est-ce qu'il y a que vous que l'iPhone ne s'est pas mis à l'heure? Ah non, moi, il s'est mis à l'heure. Moi, c'est mis à l'heure aussi. Eh ben, moi, c'est pas mis à l'heure. Au-dessus du 7, ils ne se sont pas mis à l'heure, effectivement. Ah ouais? Au-dessus du quoi? De l'iPhone 7 ou 8. Ah, c'est peut-être pour ça. Moi, il ne s'est pas mis à l'heure. Non, je pense qu'on t'espionne, Koé. C'est chelou cette histoire. Moi, il n'était pas à l'heure. À 10h, j'ai cru. En fait, que tu fais pas tes mises à jour. C'est peut-être ça. Je vous fais des bisous. On vient d'avoir une bonne discussion bien chiante. Sinon, il fait beau demain. Sinon, écoutez, alors, la météo avec tout ce qu'il nous envoie dans le ciel, c'est pas mal. Tout part à volo. C'est pas mal, mais couvrez-vous. Oui. Allez, bisous, les amis. Allez, à demain. Ciao. Demain à 17h. Salut, salut. Koé revient demain sur Énergie. 3, 2, 1. Le Rico Show. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Après avoir battu tous les records en faisant plus de 45 heures d'antenne, après le VTC La Peur, ce lundi 29 octobre, une nouvelle page du Rico Show va s'écrire. Un homme, une femme, de l'amour, un rendez-vous, une découverte et tout va basculer. Ouais, ouais les amis, va être complètement ouf. Dans 20 minutes, je vous explique tout. Concept exceptionnel, émission exceptionnelle. Rendez-vous dans 20 minutes pour un gros délire. En attendant, on va parler du bail du jour. Je suis de plus en plus choqué. Le monde part en couille, on va en parler. On aura aussi l'appel à votre avis. On appelle quelqu'un au hasard. Je me fais passer pour un commissaire. Et vous allez voir, les amis, souvent quand je vous demande à votre avis pourquoi je vous appelle, eh bien les gens bavent. Les gens bavent et du coup, on crée une histoire complètement folle. Restez bien avec nous. L'émission de ce soir est dingue et dans 20 minutes, vous allez tout simplement halluciner.